En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 9 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 31, JF Mallette, et le numéro 75, votre animateur, JF Cromp. Donc, la soirée du podcast, une émission de discussion ouverte sur le Canadien Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds, qui ont un petit peu fret en ce moment, je vous dirais. Et sur ce, ben, on va aller faire à l'avant-match. Yes, bonne année mon GF. Bonne année GF. Bonne année à tous les fans, j'espère que vous avez eu un bon temps des fêtes et que comme moi, vous pouvez voir en ce moment, ceux qui nous écoutent en vidéo, ma coupe de cheveux tuque en ce moment. Là. de tête de gars qui a pelleté. On va passer au travers comme la saison du Canadien. Découragez-vous pas, on va finir par passer au travers. c'est pas parce que Canadien est 28e qu'on va arrêter de podcaster. Ben non, il y a du positif là-dedans. Fait que GF, bon temps des fêtes là. Ouais. On n'a pas le temps, on va le faire dans la jasette. Si vous voulez entendre parler du temps des fêtes et puis nous entendre dire de la merde, écoutez la jasette, épisode 78 qu'on va enregistrer tout de suite après l'épisode de la soirée du podcast. Pour commencer, on va dire qu'on est sur Facebook Live et sur twitch.tv/la soirée du podcast dans les deux cas. GF, tu vas prendre les commentaires encore une fois Facebook, moi Twitch et puis. Ouais, c'est ça. Il y a présentement deux personnes qui sont live. Je pense que c'est toi puis moi. Non, moi je suis sur Twitch puis il y a trois spectateurs. Fait que c'est. On a des codes d'écoute de fou. Ah, tu sais, on est en direct. Là. Puis, c'est des affaires qui arrivent. Fait qu'on commençons en rappelant aux gens. T'entends-tu comme un feedback, toi? Non? Non. OK, c'est bon. On commence par rappeler aux gens que c'est le temps de faire votre échange, ceux qui participent au pool. Oui. Donc, échange du mois. Échange du mois de janvier. C'est le temps de trader votre bois mort. Oui, il y a beaucoup de blessés ces temps-ci. Fait que soyez alerte. Yes, fait qu'on va y aller avec les. Je pense que ton affaire fait du bruit en fait, GF. Je pense que c'est le tien. On va y aller avec les positions du pool. Dave, non, il est pas là, il reste à Saint-Jean. Fait qu'il est bloqué dans neige. Fait qu'on va y aller avec les positions du pool. En cinquième position, Maxime Ouimet. Quatrième position, Maxime Isabelle. Donc un duo de Maxime en cinquième et quatrième position. Troisième position, le gars de l'Ouest, Nick Chalifoux. Deuxième position, Guillaume Tuga. Et encore une fois, en première position, Marc Belletête qui tient justement la tête du pool en ce moment. Puis un excellent jeu de mots. Ouais, vas-y. Bavoumi. Tu es présentement derrière moi. C'est qui ça? Bavoumi, c'est un fan qui m'a challengé en début de saison pour le pool de hockey. Puis lui, il dit, moi, je participe au pool juste pour battre ma lettre. Ben c'est cool si ça motive les gens. Ah oui, c'est la guerre des titans entre moi et Bav Vomi. Puis écoute, on est serré. Je pense que je suis 33e, puis lui est 35e. Fait que ça va se finir au mois d'avril. Ouais, ben c'est ça, je vais donner les positions des membres de la soirée du podcast. Pendant qu'il y a Beer Hops qui nous dit salut dans Twitch, qui dit que lui est là. Fait que salut Beer Hops. Donc, on y va pour les positions des membres de la soirée du podcast. On descend un peu. Martin Véraud qui est 13e. Ah, c'est notre meilleur. Mart est le premier. Il était dans le top 10. Il a redescendu en bas du top 10, malheureusement. Fait qu'on descend. Je descends toujours. Dave Thibodeau, 30e. Oh. Jeff Mallette, numéro 34. Moi-même, Jeff Cromp, numéro 37. Il reste Alex Galipo, 47e. Et mon frère, Alex Cromp, 51e. Il est probablement sous dans un banc de neige en ce moment. sur 59, aujourd'hui, le 59e en position, c'est Olivier Roberge qu'on salue. Ah. Au moins, c'est pas Martin Hull qu'on a taquiné une couple de fois. Ouais. Il est en 58e. Fait que c'est on aurait pu l'épargner, mais non, on l'épargnera pas cette semaine. Peut-être que Petcho a compté, fait que s'il a monté d'un point. Ah, c'est peut-être ça, peut-être qu'il avait pris Petcho dans son équipe. Là. Comme moi. Fait que GF, étant donné qu'on est deux, encore une fois ce soir, on fera pas ça en trois périodes. On va y aller straight là. D'une traite, on va vous faire ça. Bon, je cherche des sons d'effet, mais ça marche pas. Fait que de la marde, là. OK, commençons le show comme il se doit. Résultat des matchs, bon, je n'irai pas en détail parce que ça finira plus si on fait ça. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le vendredi 8 décembre ici à la soirée du podcast. Et puis, j'ai monté mon volume, ça va m'aider à m'entendre. 4 victoires, 7 défaites depuis ce temps. Donc, on n'a pas joué pour 500, loin de là. Et dans ces 4 victoires, 7 défaites, il y a eu une défaite et 2 victoires qui ont été en prolongation. On était sur une belle séquence de défaites de 5. Tu m'as dit, JF, tu m'as promis qu'il n'y aurait pas de slum du temps des fêtes, puis il y en a eu un finalement. Mais en fait, c'est un slum de saison, je pense. Ouais, c'est ça, c'est comme pas juste. La seule bonne séquence qu'on a eue à date, ça a été la séquence de 5 victoires en novembre. Ouais, parce qu'on a fait comme entre deux shows, on était invaincus, ce qui était surprenant quand même. Là. Ouais, c'était un petit regain de peut-être qu'il va se passer de quoi finalement. Non, on est 28e. Non, ça nous a retombé dans la face. Là. À fin décembre, je voyais qu'il y avait des stats, ça disait que le Canadien avait 3,8% des chances de participer aux séries. Là, ça doit être zéro là, en ce moment. Là, c'est rendu à 1,1. C'est qu'il faut que tout le monde perd tout, puis nous autres, on gagne tout quasiment. Là, ben, pour avoir une chance, peut-être, il faut qu'on gagne le 2/3 de nos games d'ici la fin de la saison. Puis il faut que les autres, probablement, perdent aussi. Ben, c'est pour ça que, dans le fond, c'est comme. C'est un peu impossible. On va se dire les vraies affaires. Le début 2018, la saison est terminée du Canadien. Là. Non, c'est ça. Là, on prépare l'équipe pour la saison prochaine. Là, on laisse ça aller. Fait que c'est pas le temps d'aller chercher des joueurs de location. Ça me fait chier si ça arrive. Ben là, c'est là que tu vas voir si Marc Bergevin est complètement un imbécile ou juste un petit peu des fois. Ben là-dessus, je pense que ça va dépendre de ce que le propriétaire va lui demander de faire. Propriétaire, il n'y a rien à dire, puis il fait rien, puis il fait juste monter le prix On en jasera tantôt. Bon, on va en jaser certains, mon GF. Il y a quand même eu des belles affaires dans cette séquence. En fait, hier, première victoire en 6 games pour le Canadien, qui ont battu les Lightning de Tampa Bay, qui sont probablement un peu sur le pilote automatique. Les Canadiens sont poches, fait qu'on se donnera pas trop, tu sais, on va y aller mollo. C'était une game très serrée aussi, puis le Lightning, il faut le souligner, c'est le meilleur club dans la Ligue nationale présentement. Ah ouais, ça, ils sont solides, là. Il y a Pacheco qui a scoré avec aucune émotion. T'as-tu vu qui a fait de la passe? Oui, c'était. Voyons, style. Jean Blanc. Sergachev. Ah non, mais qui a passé Sergachev. Ouais, il a donné la puck complètement, mais il a scoré devant Sergachev. Ouais, c'est ça, parce que Sergachev, il a fait une très belle passe à Pacioretty qui était à la ligne. Puis qu'il était mélangé, puis il y avait des flashbacks du Vietnam. Puis... Probablement. Mais c'était une belle passe de Sergachev qui a fait une belle gaffe là-dessus. Puis là, les journalistes sont tombés sur le dos de Pacio. Puis tu sais, on a raison d'être sur le dos de Pacio souvent. Mais là, il y a du monde qui chialait parce que Pacio avait pas de sourire d'en face, puis il avait pas d'émotion quand il a scoré son but. T'sais. Pacio, c'est pas un émotif d'un, puis c'est un peu pour ça qu'on l'haït. C'est parce qu'on dirait que ça y tente jamais. Il n'y a pas de personnalité, on dirait. T'es dans une séquence de comme il était rendu à 19 games, pas de but. Saute pas d'un baie vitrée pour. Ça aurait été selfish. Non, c'est ça. Puis Pacio, quand il vient, il y a une face de même. Fait que... Cette semaine, j'ai vu des rumeurs stupides de transactions qui envoyaient Pacio au Prédateur. J'étais tellement mort de rire quand j'ai vu ça. J'imagine-tu ça arrive pour vrai? Ça aurait été écœurant. Comme, ils peuvent pas jouer ensemble, on va les envoyer jouer ensemble ailleurs à la place. Ah, mais c'est quoi la rumeur? Sais-tu qu'est-ce qu'on avait en retour? Non, je me rappelle pas, j'avais juste vu que c'était c'est sûrement sur 25 Stanley, j'ai pas cliqué dessus, j'ai juste vu un headline, puis j'ai pas. Ok. J'ai sûrement fait comme Yak, c'est sûr que non. Là. Fuck off, ok. Mais ça, dans la game hier contre le Lightning, il y a eu un excellent arrêt de Carey Price qui a fait un Star Fox de lui-même. L'arrêt de l'année, je dirais. On va le regarder ici, l'arrêt de l'année, pour ceux qui sont en vidéo, c'est ça. En prolongation. En prolongation, ouais, il a un peu sauvé la game ici, la victoire. Il a fait un arrêt à la Dominique Hachek, là, de goaler qui se roule et qui va y aller comme il est capable. Son début de roulement est très très lent. On dirait qu'il est comme. On va le voir ici, là. Mais tu sais, il est comme. Oh, je prends mon temps, oh, fuck off. Je sais pas si c'était prévu, qu'est-ce qui se passait. C'était de l'instinct, c'était de la luck. On lui a posé la question après la game, les journalistes. Puis ils ont dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu suivais-tu le puck? Puis Carey, il dit, ah, moi. Je suis tout le temps le puck. Puis là, le journaliste qui a dit, ouais, mais là, tu sais, là, le génie a dit, ah, ben, je dois t'avouer que pour quelques secondes, là, j'ai comme perdu le fil. Ben là, il a choisi de se remettre devant le net, on dirait. D'après moi, ça va être peut-être l'instinct, je te dirais. Ben, l'instinct de se remettre devant le net, mais quand je pense que quand il a vu qu'il y a un tir qui s'en venait, il s'est dépêché à mettre ses pads à terre. On va le voir ici, tu sais, il va comme donner un coup avec ses pads pour. Il a dit c'est quand il s'est reviré de bord. Là, on peut y laisser le bénéfice du doute. Là, c'est quand même Carey Price, mais bon. Ben, on peut dire là-dessus qu'il a tout donné. Genre, il voulait pas 40. Là, Carey Price a été ce qu'on attend de Carey Price cette séquence-là. Carey Price qui marche un peu comme le CH, là. C'est un peu en dents de scie son affaire. Là. Des fois, il y a des performances. Cette année. Ouais, c'est ça. Ben, il va comme l'équipe va, puis l'équipe va comme Price va aussi, dans les deux sens. Ah, ça marche dans deux sens, tout ça. Des commentaires qui se passent, qu'est-ce qui arrive? Ah, j'ai Eric Laure qui nous salue présentement. On te salue, Eric. Avec mon toupette de tuc, je le rappelle. Ouais, entre-temps, il y a eu un trade qui s'est fait hier, si je ne me trompe pas. Ouais, hier, après la game, il était à peu près 10-11 heures quand c'est arrivé. On a échangé le bon Hal Nico Montoya, Prepare to Die. Il était parti aux Oilers. Ouais. Je suis vraiment surpris que Bergevin ait réussi à passer Montoya, qui est out depuis quoi, 2 mois à peu près. Oh, mon Dieu. Ça fait un bout qui est out Montoya sur une commotion, puis il y a eu des séquelles de sa commotion. Puis Price était blessé dans ce temps-là. Les Oilers ont pris un risque, puis là, on a reçu en retour un choix conditionnel de la quatrième ronde si Montoya joue cette game. D'ici la fin de la saison. Sinon, ça devient un choix de cinquième ronde. Exact. Mais quand même, il vaut quand même un choix de 4-5e ronde, Montoya. Ben, c'est surprenant parce qu'il n'est pas encore clear. C'est comme si là, on échangeait un gars blessé parce qu'il n'est pas encore. Il n'est pas prêt à jouer, non? C'est ça, tu sais. On ne sait pas s'il revenait au jeu cette semaine. Il commençait à peine à patiner, puis il patinait pas avec l'équipe. Puis de faire ce move-là, je ne sais pas à quoi que les Oilers ont pensé, mais ils ont comme carrément donné un choix à Bergevin. Puis, tu sais, dans le fond, les Oilers sont stupides un peu. Ils ont juste à ne pas le faire jouer, puis il ne donnera pas de choix de 4e ronde. Mais là. À quoi ça sert de gaspiller un choix de 5e ronde? Bergevin est mort de rire parce que Montoya faisait clairement plus partie des plans. Il y a Lindgren. Mais il y a Beer Ups sur Twitch qui dit que c'est pas 7 départs, c'est 7 présences dans une game que ça y prend. Ok, j'ai la confirmation ici. J'avais justement pris en note. Je vais juste l'être sûr. Ça se peut que ce soit ça aussi. Ça veut dire que s'il apparaît dans. Tu sais, tu peux le mettre genre 10 minutes. Ah non, mais dans le fond, c'est pas l'avantage de... Non, c'est l'information que j'ai ici. Là, c'est Cap Friendly là, qui l'a noté. Là, c'est, en anglais, c'est. Devient un 4 if Al Montoya plays in 7 regular season games. Fait qu'il n'y a pas besoin de commencer une game. C'est tant qu'il apparaît dans une de. Ben, pour jouer dans ma tête, il faut qu'il joue. Il peut pas. Ouais, mais il peut remplacer un goaler. Il peut arriver à la fin. S'il de la remplace game. Un goaler, ça compte pour une partie, ça. Ouais. Dans les stats, ça va être. Si c'est pas lui qui commence la game, ça compte c'est pour ça, une partie. Si il est benché comme adjoint, ça comptera pas. Là, non, mais s'il embarque sur la glace à un moment donné, ça compte. Ok, j'imagine que c'est ça qu'il a dit par présence. Voilà. Apparence dans le match. Ok, excusez-nous. Faut qu'on le voie à un moment donné. C'est pas le gars qui passe la poque. Puis, juste faire une parenthèse, vu qu'on parle de choix de repêchage, présentement, le Canadien, pour 2018, JF, là, sont quand même bien remplis. Ouais. Un choix de première ronde, 3 choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, un choix de cinquième ronde qui nous appartient, le choix de cinquième ronde des Kings, puis si les Kings font les séries, on a un choix de 4 avec l'échange de Mitchell. Puis la possibilité d'avoir un autre choix de quatrième ronde si Montoya apparaît 7 fois dans la fin de la saison. Ouais. Fait que ça fait 4, 5, 7 choix dans les 5 premières rondes. C'est bon, c'est de voir ce que Bergevin va faire. Puis comme on dit tantôt en dehors des micros, Bergevin pourrait très bien prendre 2 choix de deuxième ronde puis les échanger contre un choix de première ronde. Oui, parce que Plekanec aussi, il va probablement partir d'ici la fin de la saison. Je l'espère, j'ai toujours peur, moi, du 2 ans, 14 millions, je te dis. Non, mais tu sais, on peut l'échanger pareil. Est-ce qu'il faut pas, là. Non, mais on peut l'échanger pareil. D'ailleurs, c'est juste une rumeur que c'est moi qui ai parti de même, là. J'ai lu aucun. Jeff est la source, c'est dans Hockey 30, le sort, ça vient de JF. Ouais, c'est ça, c'est tout moi qui sort les nouvelles sur Hockey 30. J'envoie des petites lettres là, avec des thèmes. C'est ça, mais j'imagine qu'ils vont un choix de 2. Fait que ça veut dire qu'on aurait 4 choix de deuxième ronde. C'est quand même bien. Là. C'est à voir. Là. Ça, c'est si on fait pas d'autres moves aussi d'ici là. Là, JF, tu avais des stats à saveur de dépression vu qu'on est en début d'année comme ça. Là, ouais, parce que. C'est toujours bon de commencer avec une dépression hivernale pendant qu'on est dans le fret puis les statistiques de marde. Ben là. Sors-nous des chiffres. Tu sais comment on est bon avec les chiffres ça, à la soirée du podcast. C'est pour ceux qui sont présentement, mettons, à la maison, là, c'est le temps de se sortir un Jameson. Ok, puis, j'ai eu peur, je pensais que t'allais me sortir un Salvay. Non. non, c'est pas moi ça. Non. Mais juste pour faire une parenthèse, la dernière fois qu'on n'a pas fait. Non, c'est pas vrai. Ah. L'année qu'on n'a pas fait les séries avec Randy Cunningworth, qu'on a mais cette année-là, compte pas. Là. Non, mais on a le même nombre de points à pareille date, mettons, après 42 matchs. Bon. Fait que oui, ça compte pas, mais c'est juste pour te rappeler à quel point quoi, c'est médiocre présentement. Ah, c'est assez terrible en ce moment. J'ai rarement vu une. Mais parce que là, en plus, c'est plate. Là. Les games sont plates. Mais là, présentement, on a un trouble à l'offensive. Oui, ben oui, c'est le gros problème du Canadien. Là. C'est ça. Puis si le Canadien finit la saison avec le même pacing, le meilleur pointeur du club aurait 45 points. Yark. Puis ce joueur-là serait Alex Galchenyuk. Ouais, là d'ailleurs, je suis un peu tanné de voir des comparaisons de stats, de dire comme, ah, là, cette année, Desharnais a plus de points. C'est pas pareil. Non, non, là, c'est comme, personne joue à la même place. Le contexte est complètement différent. Ça marche pas, là. Puis on a vu plus de Desharnais à moi. Non, s'il vous plaît, là, des petits nabos comme ça. Là. Puis ça, on est, dans le fond, c'est ça. C'est le plus petit total de points pour le Canadien depuis 1948-1949. Puis dans ce temps-là, il y a 60 games qui se jouaient dans une saison. Puis l'heureux élu était Billy Ray. Fait que ça ferait quoi? Ça ferait comme 70 ans, genre, que ça serait jamais produit. Le fait c'est une des pires saisons qu'on a jamais eues, j'ai l'impression. Là. Ça ressemble pas mal à ça, d'après moi. Moi, je me souviens pas d'avoir eu... À ma connaissance, là, je me souviens pas d'avoir vu un rendement Je me rappelle avoir eu des saisons pas bonnes, mais les gars se battaient. Cette année, les gars se battent même pas en plus. Ils se battent une game sur 10. Là. C'est ce qui est... Même le spectacle est plate à regarder maintenant, là. T'as plus un gars qui va se pitcher dans la vitrée ou t'as plus un Kovalev. T'as plus un Kovalev ou un Radulov ou un Subban qui est là pour. Même si le club t'a chié, au moins il y a du divertissement, là, c'est mort. Là. Il y a une game. Il y a pas d'émotion. Il y a une game au Centre Bell cette semaine, c'était le silence dans la foule. Ah, contre les Sharks. Commencez à huer. Là, c'est, le silence, ça vaut plus. Là. On est rendu à huer les joueurs, je pense. Mais en même temps. Tu peux pas huer ton équipe non plus. Je pense, c'est Jeff, honnêtement, que... Je dis ça, mais je le ferais pas. Je n'irais pas huer. Je ferais juste comme, ah, c'est plate, là, mais... Mais qu'est-ce que tu trouves pire? Huer ou le silence total comme si le monde était complètement désintéressé? Moi, je trouverais ça pire que du huage. Ben, huer, c'est pire, je pense. Parce que là, on a dépassé le stade du huage. Du huage, c'est un mot, ça. Je sais pas, le huard. Là, on a dépassé le stade de huage parce qu'on l'a fait déjà en début de saison. Là, on est rendu que le monde s'en calisse. Ouais, mais là, c'est parce que si on s'en calisse, la prochaine étape, ça va être quoi? C'est les gens se présenteront plus au Centre Bell. Qu'est-ce qui ferait plus mal? Ça serait les gens qui n'écoutent plus le hockey à la télévision. Parce qu'au Centre Bell, ça va représenter. Il y a un calcul à un moment qui s'est fait à Ron Fournier, là, puis ça représente un mince pourcentage du nombre de partisans du Canadien de Montréal qui vont au Centre Bell. Ouais, ouais. Fait que si tu veux leur faire mal, ben, c'est les codes des codes baissent, c'est sûr que ça va leur faire mal aussi, là, mais rendu là, c'est je sais plus quoi dire pour vrai. Là, le bateau est troué de partout. Là, il y a plein de. Le plus gros problème du Canadien en ce moment, c'est ce que ça a toujours été, c'est l'attaque. Là. Ça prend un centre offensif numéro un. Là, Ça prend un vrai joueur de centre, puis tu peux enlever Drouin du centre, puis tu peux enlever Galchenyuk du centre, puis t'es Chris à l'aile, puis t'es laisse là, à l'aile au moins. Là. Ah, pour qu'ils produisent, pour qu'ils se concentrent. Par exemple, un vrai joueur de centre, un vrai bon. Par exemple, un 3 là, que tu vas mettre en 2 parce que les Canadiens ont fait ça. Nous autres, on met les joueurs tellement plus haut. Mais Dano serait un parfait centre numéro 3. Ouais, mais va chercher un autre que tu mets en 2. Tu mets qui sinon? Honnêtement, je sais pas si je garderais Drouin au centre encore parce que j'ai l'impression que ça fuck sa game de jouer au centre. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y a trop besoin d'être à l'aile. Lui, c'est plus sa position. Je sais pas si parce que Galchenyuk, on sait qu'il a bien fait au centre pendant un certain temps. Mettons, l'année qu'on n'a pas fait les séries. Il était le meilleur pointeur. Puis quand il n'y a pas de pression, ça allait bien. Puis après ça, avant qu'il se blesse, il était des meilleurs marqueurs de la ligue ou presque. Fait que je t'ai nous entendre ça. Ah, les gars ont trop de pression. Sacrément, là. C'est ça leur job. Là. Ben, c'est ça qu'ils ont fait de la comparaison parce qu'il n'y a plus de pression. Fait qu'il se met à produire. Fait que les gens se sont demandé voir si Chucky serait capable de produire sa pression. Mais... Un peu comme on dit que Pacho produit plus parce qu'il y a trop de pression comme capitaine. Puis comme que c'est un mange-marde. Là. C'est toujours bon. Mais... T'as voir, mais en tout cas. On peut pas nier qu'il y a eu du succès au centre Galchenyuk par le passé. Ah, ouais, pas pendant longtemps, mais il y en a déjà eu. Tandis que Drouin, il y en a pas. Mais Drouin, remettez-moi ça à l'aile. Mais c'est... allez me chercher un vrai centre. Là. Benjamin, on a l'argent pour, mais. L'argent s'expire à la fin de la saison. C'est ça, mais c'est le temps de trader Pacioretty puis de faire de quoi? De faire un gros move. On pourrait aller chercher notre joueur de centre avec un gars comme Pacioretty. C'est le seul qui a de la valeur en ce moment. Puis il est dans les rumeurs de transactions tout le temps. Là, ce puis j'ai pas l'extrait audio, mais il a dit Pacioretty comme if it happens, it happens. Ouais, c'est ça. Ça arrive, ça arrive. Tabarnak, tu parles d'un esti capitaine de merde, ça. Ouais. Ah, des rumeurs d'échange, qu'est-ce que tu dis? Bon, ça arrive, ça arrive. Hey, ça a l'air de te faire de quoi en crise, toi, de peut-être plus être capitaine et de partir du Canadien? Ouais, c'est pour ça que. Tu sais, déjà que le C, d'après moi, ici, ça fait. Si jamais il trade, là, tu laisses-tu les joueurs choisir le capitaine ou tu choisis le capitaine? Ben, c'est comme une tradition non écrite, parce que les joueurs choisissent leur capitaine. Tout le temps, ou c'était. Il me semble que c'était. Il y a des équipes qui ont choisi leur propre capitaine. Toronto. Tu donnerais à qui, mettons, si. Ben d'après moi, si les joueurs passent au vote, je pense que peut-être un gars comme Weber ou Gallagher pourrait l'avoir. Gallagher, j'avoue, là. Weber aussi, mais j'ai parce que dans le fond, tu regardes qui est populaire dans l'équipe, puis je verrais peut-être ces gars-là porter le C. Weber est encore blessé, d'ailleurs. Ça... Ah, puis il parlait peut-être qu'il ne reviendrait pas avant le match des étoiles. Ils vont nous mettre les étoiles, il va se blesser. Hein. Ben, la bonne nouvelle, c'est que si Weber ne revient pas, ça fait une défensive qui est fragile, ça fait des games qu'on perd, ça fait qu'on se rapproche du but. Là, on est rendu qu'on veut que les Canadiens perdent. Fait que là, on va faire nos plus et nos moins dans la défaite. C'est là qu'on est. C'est là qu'il faut qu'on prenne les vrais puis qu'on se débarrasse des. Non, mais là, c'est peut-être faire le vrai ménage, tu sais, puis d'aller chercher des bons choix à repêchage, puis de faire un vrai ménage. Là, il y a comme le core est encore pourri. Là, c'est ça. Puis le noyau de Patchio puis de Plekanec. Même si Plekanec ne joue pas si près cette année, je trouve, là, sa ligne, elle joue quand même bien. Là. Ben, en parlant de stats, je vais venir sur Plekanec tantôt. Là. Mais dans le fond, les trois meilleurs, si on veut, pointeurs du club. Non, c'est pas vrai. Les trois meilleurs marqueurs, ceux qui marquent des buts, là, la moyenne de poids de ces gars-là, c'est 175 livres. C'est tout au moins 40 livres en haut de Eric Karlsson, par exemple. Fait que c'est bon. Ben ça. Ouais, heureusement. Ben c'est Gallagher, Andrew Shaw puis Paul Byron. Qui aurait deviné que ces trois gars-là seraient les meilleurs marqueurs? Pacho, il n'est même pas là. Galchenyuk n'est pas là. Ben, Drouin n'est pas là. C'est la preuve que l'attaque ne marche pas bien à Montréal. Puis que, tu sais, Drouin, oui, il a du talent, mais il ne marche pas en ce moment comme il faut. Puis, tu sais, quand tu vois que la Coupe Molson revient à Delaurier, un gars de quatrième trio en décembre, sacrement, j'ai jamais vu ça, je pense, dans ma vie. Parce qu'on a un petit problème. J'ai jamais vu un gars de quatrième trio gagner ça. Puis ça, c'est pas la faute. Il score beaucoup, moins le dernier game. Ben, là, mais c'est ça, 3-4 buts. Il y a eu une séquence de coupe de passe puis de buts, puis il allait bien Delaurier. Puis après ça, il a été réprimandé pour son attitude hors glace, selon ce que j'ai vu. Ouais, selon l'information qui est sortie, genre non officielle. Là, mais la journée que tu me dis ça, c'est là qu'il a gagné la Coupe Molson. Fait que Ouais, ça a sorti là parce que dans le fond, le dernier match, c'était le 31 avant le jour de l'an. Il n'a pas joué, puis le monde capotait. Là, c'est voyons, comment ça se fait. Mais ça a l'air qu'il a peut-être pas respecté, mettons, les règlements hors glace pendant qu'il était à l'extérieur, en Floride. Genre? Oh, on sait pas, on n'a aucune rumeur, mais on aime ça jouer les anticipateurs. C'est ça, il a fait d'efforts, mettons. Ah, t'avais-tu des rumeurs là-dessus? T'as-tu un gars de plancher qui t'a dit de quoi sur Non, c'est des choses que j'ai lues. OK, j'ai rien lu là-dessus, j'ai juste vu que... C'est ça, parce que quand tu prends sur moi, j'ai comme toutes sortes de monde que je suis sur Twitter. Là, t'es sur le dark web, toi? C'est tombé là-dessus. C'est là que j'avais eu les informations sur Price, sur les rumeurs farfelues. Fait que... ensuite... ce qui est surprenant aussi comme statistique, là, je pense que c'est le temps de prendre une grosse gorgée. Là. Ouais, je suis prêt, mon Jeff. Joe Morrow. Ah ouais, lui. Lui qui se bat avec Sean en pratique. Tu sais, ce gars-là, on pensait-tu qu'il jouerait, mettons, quand on l'a acquis cet été? Tout le monde le voyait. Moi, je le voyais à Laval. Je le voyais pas à Montréal. Je pensais pas qu'il jouait à Montréal, moi non plus. Là, cette année. Mais aujourd'hui, il a joué 60% des games à Montréal, déjà. Puis il y a eu des séquences là-dedans qui a joué 7 games de suite puis 13 matchs de suite. Joe Morrow. Ben, c'est ça, là. C'est, on est pogné, on est rendu là. Ça montre qu'il y a peut-être des trous à défense. T'sais. Mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant parce que ce gars-là, je sais pas, quand il y a le puck, là, c'est l'enfer. Et puis là, une autre affaire aussi, que je sais pas si le monde s'y attendait, là, mais la moyenne de temps de glace de M. Schlemko et de 18,34. C'est pas très élevé. Ben pour un défenseur, il a jamais joué ça. Il jouait peut-être des 14-15. Ah ouais, j'avoue, c'est ça qu'on avait dit l'année passée, qu'il avait jamais eu de vrai temps de glace. Ben c'est ça, puis il revient d'une blessure que, dans le fond, il n'y a pas vraiment eu de camp d'entraînement. Là, fait que on est dans la merde, fait qu'on le fait jouer quasiment 20 minutes, si on veut. Puis mettons qu'on s'en va dans... Ah, ben tiens, avant de dire ce que j'allais dire, là, l'attaquant le mieux payé du club, qui est M. Plecky, a présentement 16 points. Une grosse saison, mon Plecky, ça. À 6 millions par année. Ah, mais c'est ça, c'était prévisible. J'aurais pu te le dire avant que la saison commence. Mais c'est si Plecky. C'était prévisible, c'est pas... Dans le fond, depuis quand qu'on paye un esti de joueur défensif au-dessus de 5 millions? Ben, on est à Montréal, puis c'est ça que ça fait à Montréal. C'est ça qui est triste, puis c'est... Heureusement que son contrat finit là, fait qu'on pourra passer à autre chose par Attends, après. Il va leur signer. Je te dis qu'il va leur signer. Il va faire des cauchemars, est-ce-t-il? J'ai peur de lire une manchette puis de voir qu'il a été signé 2-3 ans encore une fois. Je veux pas. Je peux pas croire qu'ils feraient ça. Là. Ben, ça peut tellement arriver. Ça serait l'apocalypse. Je vais aller mettre un sac sur la tête à la statue de Jean Béliveau si ça arrive à Longueuil. Puis mettons que les gens prennent cet épisode-là puis ils l'écoutent dans 10 ans, où est-ce qu'on va être déjà un club dans le haut sommet? Là. Ouais, on va avoir sûrement 3-4 coupes. On va rire de cette saison-là comme un point tournant, c'est ce que j'espère. J'espère. Puis on va se souvenir que tabarnak, notre meilleur pointeur, 45 points. Parce que à l'époque, où ce que ça a fait très mal aussi, il y avait l'année 2000-2001. Parce qu'on n'a pas fait des séries, puis c'était des années noires de Réjean Hull et toutes les compagnies. Là. Tu sais qui le meilleur pointeur qui était dans ce club-là? Non. Oleg Petrov. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Là. Fait que cette année, on va se souvenir d'une année comme celle-là. On va rire des résultats. On va dire, ben voyons, j'en reviens pas que c'était ça. C'est vraiment comme une équipe. Soit à chier, ça, ou on va se dire, hey, tu te rappelles-tu l'année d'après quand on s'est dit, hey, c'est reparti, on se relance vers la victoire, puis qu'on a recommencé à perdre pour 10 ans? J'espère pas, mais ça va faire des bons podcasts de gars frustrés, par exemple. On va être, je pense qu'on a des comme problèmes toujours de boisson. Mais là, c'est là qu'on va espérer voir Bergevin. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est sûr qu'il va faire de quoi? Ça va être les bons moves? J'ai des doutes. Ben, il s'en va-tu à gauche ou à droite? C'est là qu'on va se demander. Est-ce qu'il va mettre ses loafers avec ou sans ses bas? C'est surtout ça. Oh, là, présentement, je pense qu'il en met pas encore. Il doit avoir des orteils bleus. J'espère qu'il se met des gros bas de laine, là, au moins aujourd'hui. J'ai tout le temps hâte au moins au repêchage au mois de juin pour voir le look à Bergevin, tout le temps stylé. Ah ouais, c'est pas ça quoi. Lui et Rick Dudley avec ses cheveux à feutrine. Ah. On n'oublie jamais ça. Fait que je pense que ça va être quoi d'autre à dire, mais sinon on pourrait aller vers les extraits audio de Claude Julien et on a un petit ouais, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres, de Canadiens, de ce qui se passe présentement? C'est sûr que il y a Bergevin qui a pas parlé depuis un bout, là, si je me trompe pas. Là, c'est à mi-saison, il devrait faire une conférence. On est de exactement à mi-saison en ce moment. On est à 41 games de jouer. Il est supposé rencontrer les journalistes pour faire son bilan de la mi-saison. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au prochain show, on va tout avoir ça pour vous autres. Ouais, puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une couple de conférences, par exemple, de Claude Julien, puis on va vous en faire jouer une couple d'extraits. Premièrement, une conférence de presse de Julien le 21 décembre, après une pratique. Julien a levé le ton pendant la pratique parce que les gars pratiquaient pas à son goût, fait qu'on écoute ce qu'il avait à dire là-dessus. Non, tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on commence à pratiquer de la bonne façon. On était peu, certains joueurs qui n'étaient pas prêts, puis c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. C'est que c'était de les ramener à leur place, puis de recommencer, puis de bien pratiquer. C'est important aujourd'hui si on veut continuer à progresser. Les gars n'étaient pas prêts de pratiquer. C'est quoi qu'ils faisaient? Ils niaisaient sur la glace et ça textait. C'est ça, le gars Chucky puis son cellulaire, quasiment. Comme dirait Burger. Ça, c'était la game du match contre les Flames. Ouais, puis ouais. Julien trouvait que ça se pognait le cul un peu pendant la pratique. Fait qu'il commençait à les engueuler, les joueurs. Fait que ça se forçait pas trop le cul, puis on venait de perdre un match à l'extérieur. Là, l'attitude du Canadien encore. Là. Non, excuse-moi, c'était après avoir gagné 7-5 contre Vancouver. Puis, on a gagné 7-5, on va prendre ça relax. Les gars, ça pratiquait pas comme du monde au goût, au bon Claude. Fait que, non, faudrait que ça fasse des tours de patinoire comme dans l'ancien camp, puis ça serait go, go, go. ça, puis tu sais, les drills là, qui sont comme dans le fond de la glace, puis là, ils patinent jusqu'à le milieu, ils break, ils patinent, il y a trois quarts, ils break, puis ils avancent de plus. Ouais, c'était dans quoi ça déjà? C'est dans toutes les astuces pratiques de hockey que tu vas avoir dans ta vie, il va avoir ce drill-là. On avait ça au secondaire quand on faisait dans le gymnase, mais à pied. Oui. D'être plus dur pour le Canadien, par exemple. Je m'en souviens de ça. Deuxième extrait, en fait, il est splitté en deux, celui-là. C'est par rapport au rappel de Brett Lernout. Brett Lernout qui est revenu. Fait que Julien en avait à dire là-dessus pour deux extraits. Fait que premier extrait là-dessus. Premièrement, on est dans l'Ouest. Je pense que c'est important d'avoir le septième défenseur, mais il joue bien. Il est rappelé parce que c'est le défenseur qui joue bien là-bas. C'est un défenseur stable. On l'a vu l'an passé avec nous, puis tu sais, il joue du bon hockey, grand, gros, et physique, puis physique. Un bon défenseur défensif. Un bon défenseur défensif, OK. Ouais. Deuxième extrait sur Lernout. Ben, écoute, si on l'a rappelé, parce que c'est un des meilleurs défenseurs. Là, les journalistes comme questionnent, pourquoi tu leur montres? On peut parler de toutes les choses qu'on veut parler, mais j'ai trouvé qu'il avait bien joué avec une castable, il faisait du bon travail, puis il est allé à Laval et il continue à s'améliorer. C'est que c'est un jeune joueur, encore, mettons pas 23 ans, quelque chose comme ça, là, puis c'est un bon jeune joueur qu'on apprécie sa grandeur, sa grosseur, puis aussi la façon qu'il est physique. Puis c'est un aspect de son jeu qu'il connaît bien puis qu'il utilise à son avantage. J'aime sa grandeur, sa grosseur puis son aspect physique. C'est pas mal à me faire, Claude, là. Ouais, c'est ça. Il voulait juste le préciser. Ah ben, il faut qu'il parle bien, que très peu de souffle, tout le temps. Après ça, il a commenté justement. Ça, c'est un bon essai. C'est mon essai préféré, je pense, de Claude Julien cette semaine. Qui parle de Shaw avec Morrow qui sont pognés à l'entraînement. ça s'est crié un peu après, puis ça s'est tiraillé comme... Il y a des petits coups de bâton, puis des gars en face. C'est le même que ça se passe dans le hockey, mais il y a des journalistes qui ne sont pas habitués à ça, je pense. Puis Claude les a niaisés un petit peu, fait qu'on écoute ce que Claude avait à dire. J'ai jamais vu ça arriver dans un entraînement. C'est la première fois que je vois ça. Ça crie de quoi, là? Absolument. Rien de mauvais. Si quelque chose, c'est bien de voir les gars. Tu sais, au moins avoir de la passion puis des choses de même. Mais je te garantis qu'ils vont être assis un côté de l'autre dans le vestiaire. Puis ça fait partie de tu sais, il y a un côté professionnel et un côté personnel. Ce qui est arrivé sur la glace, c'est à professionnel. Ce qui va se passer à l'investisseur, ça va être personnel. C'est que ces choses-là, on s'en on fait pas grand cas. Puis c'est quelque chose, c'est plus positif que négatif. C'était de l'humour, hein, que tu disais que tu n'avais jamais vu ça. Non, non, ça, c'est... T'as jamais vu ça. C'est toi qui passes pour une recrue. Là. Ça en est tout encore. C'était qui le journaliste là, c'est-tu? Un gars de TVA, là, mais je pourrais pas dire c'est qui. Là. Un petit gars avec des cheveux léchés. Non, mais tu sais, comment que tu peux penser comme journaliste qu'il est sérieux à dire « j'ai jamais vu ça, moi, des gars, tout le monde riait quand il a dit ça. Tout le monde riait, puis t'as comme Chantal Maccabé comme « ah ouais, c'est vrai que c'est monnaie courante. » Un esti de tarlat, là. Quel effet, wow. Incroyable, ça. Ah, hey, j'avais de quoi tantôt que... c'est où, ça, cette affaire-là? Non, je vais revenir tantôt quand je vais trouver mon extrait. Parce que j'ai comme beaucoup d'extraits, mais j'ai pas de mon ménage encore dans le soundboard. Fait que... Mais bon, Claude, dans le fond, qui dit que des gars qui se pognent en pratique, c'est tout à fait normal. Capotez pas avec ça. Il se passe à rien. Là. Même les journalistes de TVA qui comprennent pas que c'est des jokes. Ah, ça, c'est juste triste. Fait que après ça, on a demandé à Claude Julien si le voyage dans l'Ouest était un point tournant dans la saison. Fait que voici ce qu'il avait à dire. Ça dépend de la façon qu'on veut l'approcher. Tu sais, on peut ramener le passé ou bien on peut parler du présent, puis tu sais, de dire on doit jouer d'une certaine façon pour avoir du succès ici. C'est une bonne équipe, c'est une équipe qui joue du hockey quand même assez dur, pesant, tu sais, patine bien, font beaucoup de bonnes choses, et puis il faut respecter ça. Mais moi, au lieu de regarder le passé, je regarde dans le présent, puis ce qu'on doit faire pour gagner, puis comme toute autre chose, à un moment donné, les choses changent, tu vas finir par en gagner une, puis t'espères toujours que c'est le prochain match, puis le prochain match, c'est demain. Voilà, fait que prochain match, c'est demain. Il y a une question de Eric Laure dans le chat qui demande si on trouve ça encore pertinent, les dans le fond, les entrevues d'après-match avec les joueurs dans le vestiaire. Pas tant. Il n'y a jamais rien de bon ça, qui sort de là. Ça se souvent. Mais c'est « ah, ils ont été meilleurs. » C'est-tu vraiment nécessaire encore de faire ça? T'as-tu à temps à aller envoyer des représentants? Je sais pas, pour vrai. Ça donne du stock aux journalistes, mais c'est à peu près tout, tu sais. Ouais, parce que, mettons, quelqu'un qui suit pas c'est-tu le Canadien... C'est-tu juste vraiment pour les nouvelles, en fait, qui font ça, tu sais? Oui. C'est juste pour les bulletins de sport. Pour informer le monde, dans le fond, les gens qui n'ont pas... Je sais pas moi, à la fin de la journée, bon, mais qui c'est qui s'est passé avec le Canadien? Fait que là, c'est comme les résumés. Le coach a dit ça, ça, ça. Il y a des fois, tu as des affaires spéciales qui sortent, puis c'est un petit peu ça qu'on fait. Nous autres, c'est qu'on sort les meilleurs moments des entrevues parce que. En fait, on sort les moments drôles de plus que les meilleurs moments, je te dirais. Oui, parce que je te dirais qu'à peu près, mettons, ça doit représenter à peu près 10% du contenu complet qu'il y a. Oh, il y a beaucoup de stock, là. Fait que, tu sais, moi, j'en écoute beaucoup de conférences, puis c'est tout le temps la même affaire. Puis l'affaire qui est encore pire, c'est qu'il le dit en français et il le dit en anglais. Fait que des fois, c'est des conférences qui durent au-dessus de 15 minutes. Les joueurs, ça a pire affaire à écouter parce qu'ils vont tout le temps dire la même crise d'affaires, ouais, sauf on, à l'occasion. On va en entendre un. On va le mettre tout de suite d'ailleurs, celui-là, si tu veux, JF. Ben, vu que ça a un rapport avec un ouais. peu. Après la game contre les Sharks, il y a Charles Hudon qui est allé parler aux journalistes. Cet extrait-là est savoureux. Quand tu penses que Marc Bergevin parle mal, c'est parce que tu n'as jamais entendu Charles Hudon faire une entrevue dans le vestiaire, fait qu'on écoute ce qu'il avait à dire. On est Vous êtes des humains, on est des humains. Vous pouvez voir que ça nous fait encore plus. L'expression est mal placée, ça fait juste chier de voir tout ça, mais excuse-moi pour le mot, mais c'est ça. T'sais, en ce moment, on n'a pas de réponse, mais les réponses sont dans le vestiaire. Ça se regroupe tout. Je pense que je me répète tout le temps mes réponses, mais il faut se refaire ensemble. Il n'y a aucun individuel qu'il faut qui se sépare de la famille, comme je peux dire. Il faut tous se regrouper ensemble et être unis. Faut être fini ensemble? J'ai compris puni, moi. Moi, j'ai compris qu'il faut être fini. Il faut être puni. Il faut être uni, probablement, qu'est-ce qu'il a dit, là. Mais moi, ça a sonné comme ça faut être fini. Il y a peut-être qu'il y avait la. Il faut être ensemble. Il ne faudrait pas qu'il y ait des individuels. des individus, tu veux dire, Charles? C'est des... ben, moi, si je serais son enseignant là, du primaire, là, j'aurais le cœur brisé. Ben, moi, si j'étais ton enseignant à toi, j'aurais le cœur brisé pour entendre tes si et tes règles tout le temps, par exemple. Là. Ah, ça, c'est pas pareil. Je fais ça pour faire rire le monde. Hein. C'est juste pour faire saigner mon frère des oreilles. Ben, c'est super facile. Dans le fond, il provoque à rien. Ah, oh, mais il est même pas là pour se défendre. Anyway, t'sais, non. Prof d'éduc. C'est pas lui de corriger le français. Dans la vie, quand t'es capable de rien faire, tu deviens prof. Puis quand t'es pas capable d'enseigner, tu deviens prof d'éduc. Il y avait aussi une petite question de ouais, ouais. William Gagné qui voulait savoir qu'est-ce qu'on pensait de Gerabek depuis qu'il joue régulièrement. Il m'impressionne pas plus qu'il faut. Ben c'est correct, mais c'est pas wow. C'est pas lui qui va... Mettons que ça me dérangerait pas qu'il parte à la fin de la saison puis qu'on leur signe. C'est pas un game changer. Là. Non. C'est pas comme un Mété, mettons, qui nous aurait en surpris. Ou... Exact. Voilà, fait qu'on c'est un parmi tant d'autres. Ouais, fait qu'on va revenir, mais en fait, comme à peu près tous les joueurs du Canadien qui font juste passer. Fait qu'on va revenir après ça à Claude Julien. Il y a fait une conférence de presse après le match contre les Hurricanes, puis il a parlé du fameux virus du voyage. Ah, c'est ça, ça tourne autour de l'équipe. Il y a un virus qui court, fait voici ce qu'il avait à dire sur le fameux virus. Il va peut-être avoir des changements. On fait face à des situations présentement comme la grippe et puis le virus qui se promène. C'est que j'ai pas de réponse pour vous l'instant, mais probablement ça va être des décisions qui vont être faites après le réchauffement. Il y a également des attaquants qui sont. C'est pas juste Schlemko, tu as aussi des attaquants qui sont pris là-dedans. Il n'y a pas que Schlemko, il y en a d'autres qui l'ont aussi. Okay, tout le monde a la grippe. Puis là, j'ai d'avoir un flash. L'année passée, quand Claude Julien venait de joindre à l'équipe, là, ouais. Il y avait aussi une situation de virus. On dit qu'à chaque saison, toujours une période où ce que tout le monde chimie. Parce que ouais, mais dès que quelqu'un le pogne de quoi, t'es dans une chambre de joueurs et tu voyages avec le même monde, c'est sûr que ça doit se propager. Là. Mais tu sais, mettons qu'un gars, il commence à avoir l'impression qu'un septembre, Chris appelle pour caler malade, va pas infecter ouais, la chambre au complet. T'es un joueur du Canadien, c'est comme, ouais, j'ai peut-être le rhume, ah, rentre pas, non, ça marche pas de même. Non, mais mettons qu'il passe dans un tunnel spécial puis il va voir un médecin, genre, pour faire des examens. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va comme mais faire une prise de sang. Mettons comme dans le film tous, puis je vais te pogner les gosses, tous. Non, mais t'es capable de, je sais pas moi, tu prends la température par le cul, puis tout ça, pour voir si il fait fièvre ou s'il y a de quoi qui s'en vient, tu sais. Fait que les gars, ce soir, ça se peut que les virus propagent, fait que aller voir Docteur X, faire mettre le thermomètre rectal. Ben, tu sais, comme dans le film Outbreak, l'épidémie, là, où tu sais, ils vont faire des tests. Ah, mais tabarnak, là. Il y a comme des abris tempo pour te rendre, genre, à la salle de laboratoire. Oh, mais Chris, ils font pas ça pour le rhume, et puis la gastro, là. Non, mais ça affecte le club, puis là, ça peut affecter une partie de la saison. Ouais, mais ça affecte tout le monde, les entreprises, ça affecte tout le monde, la maladie, puis le rhume, là. Fait que tu peux pas faire ça. Outbreak, c'est un film en passant, c'est jamais arrivé, là. Non, je sais, non, mais c'est parce que dans le fond, tu sais, c'est ça. Là, ça affecte le club, puis c'est ça affecte le virus de singe, là, quand même. Mettons qu'un propriétaire, il dit nous autres, il faut gagner, il faut qu'on vende des peanuts, tu sais, au Centre Bell. S'il y a un gars qui est malade, il reste chez vous parce que t'affectes le club, t'affectes le rendement, t'affectes mon portefeuille. Je sais pas, il me semble en tant que gestionnaire, je penserais à ses affaires. Ouais, là. Mais tu sais bien que Molson ne pensera jamais à ses affaires. Il est en train de compter ses bidous assis sur des cakes de bière. Juste une petite parenthèse, tu sais, les gars qui ont payé plus cher pour l'impression des billets, là, ouais. Ils ont su un cadeau de fête, ils ont su. 150$ de certificat cadeau au restaurant 1909 proche Sandbell pour le temps des fêtes. On va prendre au moins deux hamburgers et un hot dog. Puis le montant qu'ils ont su, c'est le montant que ça leur a coûté pour le surplus d'impression. Waouh, ils les ont crédités en leur donnant un rabais au restaurant. Fait que genre, ils blanchissent crissement de l'argent dans notre face. Le pire, c'est que, genre, il y a beaucoup de détenteurs de billets qui ont fait mention de tout ça parce que ça a été fait un gros sujet en début de saison. Mais mon sujet, il est allé voir et il a dit hey, toi, tu fermes ta gueule avec ça. Mais c'est carrément ça. Tout le monde a eu ça. Tout le monde a eu ça. Mais c'est pas exactement la définition de blanchiment d'argent, ça. C'est... Ben, je sais pas, faudrait qu'on check ça, là. On va contacter nos avocats de l'SDP qui sont là, tant dans le cadre de pas pendant qu'on podcast pour checker qu'on dise les bonnes affaires, puis on vous revient là-dessus. deuxième extrait, après le match, avant le match contre les Hurricanes, il parlait, Julien, de la situation des gardiens lors du voyage, donc on l'écoute. Non, pas encore. Encore là, on va regarder comment ça va ce soir, puis on va prendre une décision par après. Toujours la meilleure façon de le faire. C'est pas parce que je veux cacher, mais on aime mieux en discuter après un match. Vous avez. C'est Price ce soir. Oui, c'est Price ce soir, oui. Le gros bang, là, il a fallu que je l'édite en audio avant de le mettre parce qu'on a répété nos oreilles, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cet extrait-là en vidéo. Il y a de quoi qui tombe dans le décor, mais on dirait qu'il y a une poutre de métal qui tombe en arrière. Puis Claude, il est capable de répondre à rien. Il regarde de côté. Il est comme, je comprends plus qu'est-ce qu'il m'écoute. Il y a de quoi qui est tombé. Il y a ce câble à côté. Là, puis il fusille le gars du regard, un peu comme que Price avait fusillé Michel Therrien du regard l'année passée. Est-ce que mes liens sont bons hein, aujourd'hui? Je suis en forme. Après ça, c'était avant le match contre les Hurricanes. Après ça, il a fait une conférence après le match contre les Hurricanes qu'on a perdu 3-1. Donc, Premier extrait, il va parler de Pacheco. Il trouve que l'équipe... Non, c'est Pacheco qui trouve que l'équipe n'est pas assez agressive en zone offensive. C'est ça, il y avait dit ça. Puis il y a un journaliste qui a posé la question à Julien de savoir ce que tu penses de ce que ton capitaine a dit. Ouais, capitaine qui, des fois, moins parlé. Oui. Non, du tout. C'est pas la façon qu'on lui demande de jouer. On a toujours dit de jouer sur le bout des pieds. Puis ça reste quand même une question de confiance. Puis comme tu l'as vu ce soir, là, quand on joue sur le bout des pieds, comme on l'a fait en deuxième période, on a ce qu'on a. Puis c'était une bonne période. Ça reste quand même qu'il faut le faire pendant trois. Ça arrive des fois que les joueurs sont moins bons en offensive, mais t'sais... C'est pas supposé. J'ai l'adore celle-là. C'est bon. Puis deuxième extrait de la conférence après la défaite contre les Hurricanes, on parlait de la performance de Chucky face aux Hurricanes. Ouais, qui a joué une très bonne game. Qui avait bien joué pour une fois là, cette saison. T'as bonne celle-là, fait que voici. Oui, il était très bon ce soir, Alex. Et puis c'est une punition. Si on lit les règlements, c'est une punition. Par contre, il y a des arbitres qui peut-être vont... ils ont s'assurer que c'est vraiment une. Je la considère borderline, disons, là. Mais si on veut l'appeler comme le livre le demande, c'est une punition. Puis on part de l'avant, puis on se prépare pour demain. Ah, il avait joué une bonne game, petit Alex, celui-là. Ouais. Et voilà, et puis il nous reste deux derniers extraits de Claude Julien. Cette fois-ci, c'était en 2018, en fait. Après la pratique du 3 janvier, il y avait deux affaires à dire, le bon Claude, là-dessus. Probablement, il voulait dire qu'il faut rester positif malgré le fait que le Canadien joue comme le cul cette saison-ci. De toute façon, ils ont un job à faire, eux autres. Ils ont un job à faire, c'est les professionnels, malgré ce qu'on en dit ou ce qu'on en pense, en les regardant jouer. Mais voici ce qu'il avait à dire là-dessus. Ben, ce qui est important présentement, c'est de se tenir le plus loin possible du négatif, mais quand même réaliser que on doit être beaucoup mieux qu'on l'est présentement. Puis des fois, quand que les choses vont pas bien, tu penses que tu travailles fort, puis tu penses que tu fais les bonnes choses, mais en bout de ligne, tu vas réaliser que si tu mets encore plus d'efforts, puis que les données changent, tu vas réaliser que peut-être c'était pas aussi bon que tu le pensais. Puis c'est difficile, des fois, tu peux le monter, tu peux en parler, mais souvent, les gars, tu sais, quand ça va mal, ils disent, pourtant, je semble mettre l'effort, mais ça fonctionne pas. C'est sûr qu'entre les deux oreilles, les choses sont pesantes, et puis il faut changer peut-être pas cette attitude ou cette approche. Puis vraiment, faire ce qu'on a fait aujourd'hui, le travail est fort, être intense, puis essayer de garder le moral pour que... la passion au hockey, là, c'est quelque chose qui... Ça semble un mot peut-être très simple, mais ça a des grosses conséquences dans des matchs de hockey. Jouer avec une bonne passion, puis la passion vient quand les choses vont bien, puis c'est important pour nous de créer cette situation-là. Ouais, mais il faut que la passion soit là même quand les choses vont mal, sinon ça va continuer à aller mal. C'est ça qui est le problème de la saison. Mais le Canadien a une confiance hyper fragile, puis tu sais, il gagne des games 10 à 1, 7 à 5, puis il perd après ça 2-0, 4-0, 3-1. C'est comme si l'élimination contre les Rangers... Ben non, ils sont quasiment pas remis parce que... Ben, c'est plus le même noyau de joueurs. Il y a juste Drouin qui s'est racheté, mettons, comme format important, puis on a perdu deux gros morceaux. Ben, c'est ça qui fait le plus mal, je pense. C'est Markov et Radulov. Puis après ça, depuis le début du camp d'entraînement, le monde le sentait déjà qu'il filait pas le club. Tu sais, dans le fond, ça va être de la merde. Mais tu sais, pré-saison, t'es comme Chris, les Canadiens ont tous perdu leur game. Oh, c'est pas grave, c'est des games pré-saison. Oui, mais c'est la façon qu'ils perdaient qui était comme inquiétante. C'est pas tant les résultats des matchs qui étaient le problème, c'est la façon qu'ils perdaient ces matchs-là. Puis ça s'est poursuivi dans la saison, puis ça se poursuit encore là. C'est ça, ils n'ont jamais été capables de le remonter. Puis... il n'y a comme pas de grit, je sais pas comment le dire, mais les gars sont écœurés, on dirait. Ben, peut-être pas tout le monde, là, mais ça leur tente plus d'aller travailler. Mais c'est un problème, ça, quand tes employés veulent plus travailler, il faut que tu slack le monde. Ben, c'est ça qui risque d'arriver. Puis là, Claude, justement, là, il a lancé un défi aux joueurs, justement, pendant cette conférence de presse-là. Il dit « Ah, puis, je vais vous lancer un défi. » Dans le fond, il a approché les gars parce que je sais pas si dans un des audios, ça l'explique, là, justement. Mais il a dit aux gars « Regarde, là, on a une job à faire. Puis, je vais demander, je vais vous utiliser. Il parlait à, son, à ses meilleurs joueurs, style Pacheco. Ben, c'est ça, exactement, l'extrait. C'est okay, ben, ça résume les meilleurs joueurs doivent être les meilleurs. Fait c'est exactement on va finir là-dessus. Mais écoute, moi, je te dirais, pour sortir de la léthargie qu'on est dedans, là, c'est sûr et certain, dans tous les cas, que les meilleurs joueurs ont pris charge. Et puis, il faut que tu te fies sur eux autres. Et puis, tu sais, comme j'ai dit, il faut qu'eux autres, « they need to embrace it », tu sais, l'opportunité qui vont être, qui va leur être donnée. Puis de dire, écoute, tu sais, on veut changer les données de l'équipe, puis c'est nous qui va prendre charge. Tu sais, c'est pas les gars de qui ont un rôle secondaire qui vont nous sortir. Puis c'est sûr que tu dis, va avec le mérite. Je pense qu'on a vu qu'un gars comme Delaurier a mérité le joueur du mois. Parce qu'il a connu un bon mois, mais c'est parce qu'aussi, de l'autre côté, on n'a pas eu beaucoup de succès aussi de certains joueurs qu'on a besoin. Et les joueurs du mois, c'est trop à chier. Il faut trouver le moyen de trouver ça dans notre équipe, parce que c'est la seule manière qu'on va s'en sortir, c'est que quand nos meilleurs joueurs vont prendre charge, je pense que les choses vont changer. Bon, en résumé, nos bons joueurs doivent être nos meilleurs joueurs, pas les gars de quatrième trio. C'est ça. C'est pas mal ça, là. Faites ce que... Il y a une affaire que j'ai aimée beaucoup, là. Hier, j'ai écouté une entrevue avec un expert, puis il parlait justement, il disait, OK, tu sais, qu'est-ce que tu fais, mettons, avec un joueur qui a de la misère, genre, pour essayer de le sortir de sa léthargie ou quoi que ce soit? Puis il a dit, garde, c'est pas compliqué. Ah, c'est Danny Dubé, justement, qui a parlé de ça. Ils vont prendre trois choses qui font de bien. Ils vont leur montrer des vidéos, regarde ce que tu fais de bien. Ils regardent, ouais, ouais. Puis il va dire, fais juste ça pendant la game, puis le reste va venir. Puis comme de fait, mais au niveau de la psychologie, c'est comme ça qu'il reprend confiance parce qu'il va faire, il va se concentrer sur ce qu'il fait de bon. Puis après ça, le reste va venir avec le temps. Puis je pense que Claude Julien, c'est un bon psychologue. La seule affaire qui est plate, c'est que les adjoints qu'il a, c'est pas nécessairement son équipe que lui voulait avoir. Ben au là, départ, c'est à lui des slackers rendus là. Ben d'après moi, fin de la saison, c'est ça qui va arriver, là. Mais je pense qu'il y a plus une décision qui vient du 7e étage. Faut que Daigneau s'en aille, là. Ben ça va prendre un nouveau message parce que c'est encore eux autres qui s'occupent des unités spéciales, l'avantage numérique, des désavantages numériques. Puis ça a fait fuck all cette année. Ah, c'est ridicule. Fait c'est... Que, pis, même Kirk Muller, je suis désolé, mais je pense que même lui, je le slackerais parce que présentement, il fait pas la différence. Hey, au prix qu'on le paye, là, il était supposé de genre être un assistant coach de fou. Tabarnak, il calisse rien, esti. Ah, oui. Il a rien fait pour amener l'équipe à un autre niveau. On a empiré depuis que Kirk est là, on se le cachera pas. Là. Ah, c'est pas nécessairement de sa faute, mais c'est il pas de sa faute, mais il a pas aidé à il changer. Il y a un job à faire, puis il faut qu'il y ait un autre message qui passe. Claude, il est là, parfait, exact. Mais ça prend les autres aussi. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui explique les plans de match, les vidéos, puis tout ça, pas le même monde. Ouais, il faut changer de stratégie aussi un peu. Ça prend une nouvelle voix. Voilà, il faut que le message passe différemment. Ouais. Fait que c'est les extraits de Claude Julien. Jeff, avant d'aller à Run the NHL, la question qui tue. J'ai pas l'extrait de Tout le monde en parle pour la question qui tue. Là, j'aurais pas les droits, Guy va me poursuivre, anyway. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ici la fin de la saison? Tantôt, quand je disais qu'il faut que Marc tourne soit à gauche ou à droite, t'as un bord que c'est à ce qu'il va continuer à faire l'impossible pour améliorer l'équipe. Je vais présenter une situation qui s'est passée en 94-95, le gros lockout qu'il y a eu, puis que les Canadiens ont fait des séries depuis je ne sais pas combien d'années. Là. Serge Chavard, lui, il a décidé de faire des moves pour y aller all-in d'ici la fin de la saison pour se battre pour les séries. Puis là, c'est une saison qui a été courtée, fait qu'il a été chercher Mark Recchi, puis il a été chercher Pierre Turgeon. On sait tous ce que ça a donné. Recchi, oui, c'est un bon joueur, mais ce qu'il a donné en retour, les Flyers ont eu le meilleur dans la transaction. John Leclerc, Éric Desjardins, Gilles Baye-Dion. C'est dégueulasse, pour vrai. Puis, par contre, le deal avec Pierre Turgeon, OK, c'était bon, c'était un bon mot. C'était Kirk Muller puis Schneider contre Turgeon puis Malahov. Puis on a eu Malahov pendant des années. Ouais, ouais. Sauf que le move de Leclerc, en donnant Leclerc aux Flyers, ça nous a fait mal. Puis résultat, on n'a pas fait les séries cette année-là. Là, la tendance, c'est on va chercher des joueurs de location, comme tu disais tantôt, puis on donne des choix repêchage quand on en a de plusieurs. C'est tentant, mais je pense pas que ce soit la bonne décision parce que mathématiquement parlant, là, écoute, ils n'ont pas de chance de se rendre jusqu'au bout. Non, vraiment pas, là. Fait que l'autre direction, c'est est-ce qu'on prépare le club l'année prochaine, c'est-à-dire est-ce qu'on va liquider nos joueurs? Mais Plekanec, joueur autonome, on fait quoi avec? On l'échange-tu ou on le garde ou on le signe 2 ans, 14 millions? Puis après ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres joueurs? OK, défensivement, on voit que c'est de la crise de merde. Qu'est-ce que tu fais avec Carl Alsner? Qu'est-ce que tu fais avec Jeff Petrie? T'es donné ou t'es garde? Qu'est-ce que tu vas faire avec Pacheco? Il devient autonome dans 2 ans. Beaucoup de jobs qu'il y a à Bergevin, puis j'ai l'impression que Molson ne le slackera pas à Bergevin pour l'instant. Là, c'est parce qu'il y a le choix. Mettons que Molson décide de slacker. Ça, ça veut dire qu'aucune grosse transaction qui va se faire avant, ben mettons, après la c'est pas la confiance qu'il y a aussi, Monson, envers Bergevin. Peut-être que Bergevin, il y en a une grosse confiance. Je sais qu'on va avoir une saison de marde, mais c'est temporaire, je prépare mes affaires, puis c'est normal. Peut-être qu'il a dit ça, puis que l'autre est comme, OK, good, tu sais, allons-y, là. Puis notre prix de consolation, c'est d'avoir un bon choix au repêchage si jamais ça arrive. Puis cette année, ça donne bien. L'année qu'on a repêché Galchenyuk, c'était pas une grosse année au repêchage. Non. Tu sais, le premier choix au total, c'est Nel Yakupov. Habituellement, quand on regarde les premiers choix, c'est tous des gros joueurs qui jouent pour leur club. Là, cette année, c'est tout un repêchage qui s'en vient. Il y a toujours une ère, mettons, aux 4-5 ans, où il y a un bon repêchage. Ça en est un. C'est qui l'Européen là, qui est bien dans... C'est Ramos Dalin, qui est un défenseur. Puis justement, J'ai eu hier, il a fait un nasty goal de fou. Là, mais... Il y a eu Stéphane Leroux, l'expert du junior majeur pour RDS, qui a parlé de ce défenseur-là. Toujours bien mieux que l'expert de la glace froide, Renaud Lavois. Ah, si oui. Il a dit... Calis qui est incroyable. Puis pendant la game, la Suède contre les States, la Suède a gagné justement pour se rendre en championnat final contre le Canada. Ouais, ouais. Le monde dans la foule se disait « Oh, wow! » Il faisait des hosties de jeu avec le puck. Il contrôle super bien la rondelle. Il a 17 ans. Il va être 18 juste à temps pour le repêchage. Puis la plupart du monde s'est mis d'accord dans la galerie presse. Calis que ce gars-là irait bien à côté de Weber. Ouais. Fait que ça serait comme un don du ciel qu'on gagne la loterie puis qu'on repêche un défenseur comme ça. C'est incroyable. Parce qu'ils disent que c'est comme un peu, dans le fond, moi, je vais aller ma propre description du joueur. Là. C'est le Sidney Crosby, Cochner McDavid, la défensive. Cochner McDavid. Ouais, c'est Cochner. Cochner. Fait que ça serait incroyable si on pogne ce gars-là. Puis, c'est à voir. Ça serait à voir. Là, Bergevin, Karn, ça marche pas. Les décisions que tu as prises, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, il faut que tu changes ta mentalité du club. Ça prend de la vitesse. Ça prend des gars qui sont capables de bien bouger la rondelle. Ça prend de l'offense, ouais. Ça prend relance, des gars qui fitent bien avec le système de jeu de Michel, pas Michel Therrien, mais Claude Julien. Ah ouais, exactement. Mais en tout cas. Ça va être à suivre. C'est ça qui va être intéressant. On va le savoir d'ici le 28 février, la date limite des... Non, le 26. Le 26, c'est la date limite des transactions. Fait que c'est là qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe. On va savoir pour la fin de la saison, puis après ça, on va être au repêchage en juin, qu'on va voir ce qui va se passer. Exactement. Fait que c'est correct qu'on perd. Si on perd de la bonne façon, tant mieux. On va gagner des games, malheureusement. Mais l'important, c'est qu'on ait les chances rendues là d'avoir le premier choix au repêchage, qu'on gagne une loterie. Faudrait. Ça serait écœurant. Chris, le dernier qu'on a eu au premier choix, c'était Dick Wickenheiser. Ciboire. Fait qu'il est temps qu'on change ça. Puis le petit Drouin, là, tu m'envoies ça à l'aile, parce que c'est quoi, Drouin, là? C'est un petit gars-là, là, le petit Drouin, là. Ça, c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Jack, il va s'étouffer. J'avais oublié ce bout-là. Merci, le bye-bye, Marc Labrèche, de bien résumer notre pensée sur les entraîneurs et les joueurs francophones à Montréal. Ouais. Ah, je l'ai bien ri, ça, là. La petite chambre. Non, la chambre froide, c'est ça qu'ils ont fait? Ouais, drette ça. On en parlera dans la jasette encore une fois. Mais GF, on va aller faire maintenant le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Et on a quelques sujets pour Around the NHL. Premièrement, on va y aller avec un extrait photo, en fait, qu'on va mettre à l'écran. Joe Thornton a perdu un bout de sa barbe hier. Ben oui, c'est ça. Dans un combat contre Nazem Kadri qui a. Bon. Il a essayé de pogner le chandail, ça a pogné sa barbe, ça a tiré. Il a essayé de pogner la barbe directement. Moi, j'aime croire qu'il a pogné la barbe direct parce que Kadri, c'est une merde, là. Ouais, parce que ça aurait été un autre gars, on aurait peut-être pensé le chandail, mais vu que c'est Kadri, je pense que c'était juste voulu. Parce qu'on l'a eu, mais on va le mettre ça à l'écran, là. Fait qu'on voit que là, il pogne genre le coin du chandail puis la barbe, puis à terre, ce qu'on voit en rouge à droite, c'est le morceau de la barbe. Puis, il me semble que le temps de réaction, il savait en crise ce qui se faisait, là. Hey, c'est dégueulasse, hein. Hey, c'est de deux choses, OK? Soit qu'il tenait vraiment fort puis que Thornton a vraiment, tu sais, donné un coup de tête solide puis ça a fait mal puis ça a arraché, ou sa barbe était tellement sec puis dégueulasse qu'elle a juste comme elle a lâché, là. C'est comme, tu sais, comme quand tu prends de la cendre, ça se défait tout, là. Ça, je pense que c'est un petit peu des deux, GF, honnêtement. C'est dégueulasse. Rase-moi ça. Par exemple, Thornton, il y a une petite barbe dégueulasse carrée, là. Ouais, il a pas trimé genre comme Ben, tu sais, genre quelque chose de beau, là. Ouais, ou tu sais, mettons l'autre, là, Brent Burns. Ouais. Lui, au moins, il a une grosse barbe fournie. L'autre, il a l'air d'avoir un bloc. Ça a poussé de tous les bords, tous les côtés. Puis il y a comme une ligne blanche en plus, là. on dirait qu'il y a le pinch à JC Lajoie dans le pinch à Thornton. Oui! C'est comme fait en deux morceaux, genre des Legos. c'est un pinch assemblé chez vous. Fait que, ouais, on voulait vous montrer ça. Première fois que je vois ça, moi, quelqu'un qui se fait arracher de la barbe au hockey. J'espère plus jamais revoir. On a déjà vu du monde se faire mordre d'un gant puis tout, mais jamais se faire arracher la barbe. Ah, Burrows. On va venir en duplex comme ça. Bon, il y a les pingouins qui tentent. Pas mon papier ici. Je t'aurais d'échanger Chris Letang et son Sportsnet. Le CH, je serais sur sa liste. Toi, t'es-tu un pour ou contre Chris Letang à Montréal? Il est trop vieux, d'après moi. Il va avoir 31 ans. Mais Chris Letang est tout le temps à une mise en échec de mourir, anyway, j'ai l'impression. Ah oh, ouais, écoute. Je... C'est plat. Je l'aurais pris dans ses bonnes années. Après les blessures qu'il a subies, non. Là, je pense pas que ce serait un bon mot pour le Canadien. C'est pas un bon investissement à long terme d'échanger Letang. Le temps a passé pour lui. Là. Ouais, puis Letang arrangera pas les choses dans son cas. Non, c'est fini. Lou Lamoriello oblige ses joueurs à se tenir loin de centre-ville à Vegas avant leur match contre les Golden Knights. Fait que Lou, ben oui, le gros Chris. Ah, mais tu sais, Lou, il demande aux joueurs de se raser les cheveux puis de ne pas avoir les cheveux longs. De se ranger la barbe puis de ne pas avoir les cheveux longs. C'est ça. Fait que tu t'attends-tu à quelque chose de différent de Lou? Là? Ça non. Me surprend qu'il n'ait pas demandé à tous les joueurs de l'équipe d'avoir le look Lou Lamoriello pour la saison. T'sais. Il y aurait tout l'air des frères Toc à City. Mais dans le fond... T'sais, lui, dans sa tête, j'imagine que c'était surtout aucune distraction. Ouais, avant... rentrez pas chaud. Pis le pire, j'ai une confession à faire, JF, c'est que le boulevard à Vegas, c'est le Strip Boulevard. Tu es allé à Vegas? Ça? Non, j'ai jamais eu la chance, mais j'aimerais bien ça y aller. Pour ceux qui veulent faire un don, j'accepte. J'accepte les virements PayPal. Puis quand j'ai lu la nouvelle pour la première fois, je pensais qu'il avait Lou avait empêché ses joueurs d'aller au Strip Club. Mais j'avais pas lu la nouvelle comme il faut. Fait que j'étais comme, hein? Mais eux autres, ils pensaient, OK, bon, on fait ça, puis pour que les gars se concentrent, on a une grosse game contre Vegas. Vegas sont super forts à domicile. Ouais, ça veut dire, c'est pas parce que vous êtes à Vegas que allez vous décoller ça à la face. Comme les joueurs font, mettons, ils sont en Floride, ils vont aller sur la plage, puis ils vont prendre du relax. Ouais, et... voler des sacoches, puis ça fait la même. Ah oui, la belle époque. Ouais, ou se saouler dans un bar avant un match, puis se faire rayer de l'alignement. Voilà, Puis, dans le fond, le résultat, finalement, ce que ça a donné, c'est que Vegas a gagné 6-3 contre Toronto. Puis, justement, Vegas est parti favori pour remporter la Coupe avec le Lightning. Devant le Lightning. Derrière le Lightning. L'équipe Cendrillon de l'année, que tout le monde pensait que ça allait de la merde. Sérieusement, mettons que les Canadiens font pas un playoff, t'aurais-tu le goût de prendre un peu pour Vegas? Ben, parce que c'est leur première saison puis qu'ils dominent comme ça, oui. Là. Ça fait penser un peu au film Mystery Alaska. Ou ce qu'ils ont pogné, genre des ouvriers pour faire un club et jouer contre les Rangers. Là, c'est un peu, dans le fond, c'est des rejects de la Ligue nationale qui ont fait un club avec ça. Ben, pas tant, c'est ceux qui n'ont pas été protégés par l'équipe, mettons. Là. Ben, un peu comme des rejets, dans le fond. C'est comme, ah, t'es pas assez bon pour nous, on te protège pas. T'sais, c'est comme un peu l'impression que ça donne, si on veut. Ouais, mais quel feeling ça fait, comme pour un fan de genre le Canadien, que l'équipe est tout croche, les joueurs sont prêts à jouer ensemble? Qui sont supposés se connaître depuis des années, puis c'est des joueurs qui jouent dans un système établi depuis le moins parce que c'est Claude Julien, mettons, mais là tu prends une équipe comme Vegas, que c'est tous des nouveaux joueurs qui ont à peu près jamais joué ensemble, puis ça donne ça, puis t'as nous autres à côté comme ben ouais, on est simplement quinquennal de marbre. Ben, t'as une équipe où il y a des gars qui ont des choses à prouver, puis t'as une équipe où, dans le fond, eux autres. Mais Vegas, ils ont tout de quoi prouver. Fait, c'est justement ça. C'est ça. Fait que là, les gars, ils disent fuck off, esti, on va leur montrer les tabarnaks. Puis justement, dans le fond, leur premier gros contrat que Vegas a donné, c'est Jonathan Marchessault qui a signé un contrat, si je me trompe pas, je pense que c'est 5 ou 6 ans à 30 millions, pour un gars qui gagnait 750 000, qui était un des meilleurs marqueurs en Floride, puis qu'on décide de pas protéger. Puis il performe très bien avec Vegas. Fait que c'est une belle histoire. Puis moi, j'encouragerais les gens à suivre leur parcours en série. Ben oui. Puis dire fuck you à tous les autres clubs. Dans le KHL, ça c'est weird comme histoire. Puis quand tu me l'as conté, j'en revenais pas. Là. Il y a une équipe au Kazakhstan qui ont sacrifié un mouton en plein milieu de la glace pendant une pratique. C'est un genre de rituel qu'ils font quand ils ont une série de défaites de 5 matchs. Fait qu'à Montréal, on aurait eu du mouton sur la glace, si c'était le cas. Résultat, il y a 8 joueurs qui ont été malades. Puis ils ont malheureusement perdu un 6e match. Fait que je sais pas s'ils ont sacrifié l'enfant du goaler après ça ou. Je sais pas, mais. Sacrément! Les joueurs malades sur le banc pendant qu'ils sont en train d'égorger un mouton sur la glace. J'aimerais savoir si c'est le coach qui l'a fait ou si c'est un gars pour poser l'équipement. Le gars au patin, avec un patin, s'il égorge un mouton. Je... Ok, on est creepy comme ça, on a essayé de trouver des images, on n'en a pas trouvé. Mais non, j'ai fouillé en crisse. Je pense qu'on se serait peut-être fait bloquer sur Facebook. Peut-être. Je dis ça de même. Ah, j'avoue, ça aurait fait ça, on est fou. Mais on a essayé, on a fait des recherches. On a fait des efforts. T'es sûr que c'est vrai ou c'est pas comme ça vient pas de. J'ai vérifié genre plusieurs sources qui l'ont fait, puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Puis l'affaire qui est drôle, c'est que là-dedans, pour le confirmer, il y a même un joueur qui a porté l'uniforme du Canadien qui s'appelle Nigel Dahls. Puis il y a beaucoup joueurs canadiens qui jouent pour ce club-là au Kazakhstan. C'est une équipe de la KHL. Ah ouais. Fait que là, ils ont tous témoigné. Fait que de plusieurs sources, ils ont confirmé qu'ils ont vraiment comme sacrifié le mouton pour espérer, genre, terminer la séquence de défaite. puis ils ont perdu 3-2 la game d'après. Fait que, tu sais, on s'entend que ça a comme pas marché. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça peut être même nuit parce que peut-être que les joueurs s'en remettaient genre de leur malaise parce qu'ils ont vomi carrément sur la glace. C'était une scène de le petit monstre quand il était au carnaval. C'est... Ça fait chier en geste. Oui, ça s'arrose entre eux autres. Combien de joueurs qui ont de centre qui ont cumulé plus de 60 points la saison passée? Ouais. On va dire 3. Je vais donner 0. Là. Ah non, 60 points. C'est là, sûr là. Que, mettons, quand on parle de Marc Bergevin, que ça lui prend un joueur de centre, il n'y en a pas une tonne. Il y en a seulement 15 qui ont eu 60 points et plus. Fait que c'est ça qui est triste. C'est des joueurs de centre. Là, t'en as pas beaucoup. T'as mieux que Pacho quand même. Là. Pacho joue à l'aise, pas un joueur de centre. Ah non, excuse-moi, t'as raison, t'as raison. Mais non, comme. Oui, là, mais ça en prend quand même un qui est dédié au centre. C'est ça, mais. C'est sa position naturelle. T'sais. Ça court pas les rues. Fait que dans le fond. Non, mais t'en prends un qui est. Ouais. Écoute, le pour gars. Pour avoir un top numéro 1 centre, ça va coûter cher. Là, c'est... Mais l'affaire qui est spéciale, justement, c'est qu'en parlant de ça, t'en as un joueur de centre qui est présentement, je me trompe pas, je pense, 4e meilleur marqueur de la ligue, John Tavares. Hey, combien tu penses qu'il va demander? Là, le gars, il sait que c'est un joueur de centre, puis qu'il est bon, puis que c'est rare. Il va demander beaucoup. Là. Puis, comme je vais le répéter, d'après toi, ben, premièrement, est-ce que les chances sont bonnes pour qu'il signe avec les Islanders? Tu y crois-tu? Non, je pense pas. Je pense qu'il va partir de là, moi, Tavares. Puis, si on regarde ça, si on prend la peine de checker toutes les équipes pour voir qui a de l'argent pour pouvoir engager John Tavares, qui te vient en tête? Le Canadien, mais c'est-tu là ils ont, que lui... Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais c'est-tu là que... Ouais, je sais pas pour vrai. Le gars, c'est on a tellement spéculé sur lui que j'ai comme je sais plus quoi dire par rapport à ben moi, Tavares. Moi, je vais le rêver, puis je vais sûrement avoir une claque sur la gueule la journée que je vais apprendre que c'était avec les Islanders encore ou avec un autre club qu'on s'entendait pas, genre les Kings ou je sais pas, moins Vegas. Ouais, les Oilers. Genre, mais écoute, on dirait quasiment que c'est possible. Plus que Stamkos l'était à l'époque, parce qu'on se disait, ah, Stamkos, ouais, on a joué avec son chum Subban. Finalement, on a échangé Subban, puis Stamkos a signé à Tampa Bay, c'était de la merde. Mais là, écoute, il est très proche de Weber, il s'entend super bien avec Price, il veut jouer pour un marché de hockey. Okay. Bon, ben, c'est écoute, sûr que... on a tout pour ça. Fait que le gars qui se posait aller essayer de le convaincre, genre, mettons, Bergevin, il était mieux d'avoir un esti bon pitch de vente là, pour essayer de le convaincre. Là. Ouais, fais ça comme du monde, esti. Close-moi ça. Puis le pire, c'est que, genre, mettons là, qu'il voudrait l'avoir, là, il est pas obligé d'aller chercher tout de suite. Là. Fait qu'il pourrait l'avoir sans avoir à donner d'effectif le 1er juillet. Ça serait pas payé, ça. Ça serait une belle récompense pour nous avoir fait subir une saison de la sorte. Avec le choix de première ronde au total quand on gagne la loterie. Hey. Ouais, ça serait-tu merveilleux. Puis en plus, Plekanex qui n'a pas signé avec si ça millions. Arrive, là, je pense que je vais me saouler pendant le show du draft. Oh, mais ça, c'est déjà prévu parce que. Le draft, anyway, on commence et on est déjà sous au PFK. T'es en habitude de manger du gras de même dans l'année, que c'est une fois par année qu'on se prend un. Comme je vais faire sauce. Le show en chess. Oh, c'est pas nécessaire, je te dirais. Dernier truc avant de finir, JF, tu voulais nous parler de Mété au championnat junior? Oui, présentement, il se bat pour la médaille d'or contre la Suède. Et puis, ce qui est le fun avec Victor Mété, c'est que présentement, il joue très bien dans le championnat junior. Il y a 2 passes, il y a 11 tirs au filet, c'est un des défenseurs les plus utilisés. Puis, il s'en sert à toutes les sauces. Désavantage, avantage numérique, 5 contre 5. Puis, le coach l'adore. Puis, c'est lui qui va jouer contre les gros trios de l'autre club. Et puis... Là, ils ont sorti une nouvelle aujourd'hui, c'est Bob McKenzie. Victor Mété va retourner dans la Ligue de l'Ontario selon lui. Il ne reviendra pas avec le Canadien de Montréal. Okay. Fait que pour ça, on va sauver une année sur, mettons que lui ait droit à aller en arbitrage. Ouais, ouais. Et puis, je pense que c'est une bonne chose pour lui d'aller jouer dans le junior parce que l'atmosphère qu'avec le Canadien ou ce que ça chiale pour dire qu'il y a des joueurs qui s'en calissent, puis t'en as d'autres, puis que le vestiaire semble être divisé ou peu importe. Je pense pas que c'est un environnement qui est sain pour Victor. Puis je pense qu'il est mieux de retourner dans le dominer. Il dans va le dominer, junior. Puis il va revenir quand c'est le temps, puis c'est correct. Là. Il va reprendre c'est la force. C'est pas là de le brûler. Oh, ouais, ça prend le temps de grandir un peu, là, puis de grossir. Là. Puis l'affaire qui est spéciale, je sais pas si ça peut arriver, c'est qu'il serait techniquement admissible pour aller aux Olympiques. Ah, ben, ça serait bien. Pour son parcours à lui, en plus, ça serait excellent qu'il fasse ça. Là. C'est ça. Fait que ça serait à suivre, mais je sais que là, c'est juste une technicalité. Là. D'après moi, s'il s'en va dans le junior, il est peut-être accessible. Mais ça va être à suivre pour savoir s'il serait ou pas. Mais s'il l'est, je pense que là, j'ai un petit intérêt à écouter le hockey aux Olympiques. Je savais que tu parles d'Olympiques. Tu te rappelles-tu la dernière fois des Olympiques en 2014 quand que Pacheco était dans l'équipe américaine? Ça, c'était dans. Ouais. Tu rappelles-tu les commentaires que Tortorella avait donné sur lui? Ça, c'était au championnat junior. Championnat du monde. Championnat du monde. Le 2 ans. C'est en 2016, ça veut dire, ouais. Ouais, t'as raison, ça fait pas 4 ans, ça fait 2 ans. On venait d'échanger, comment il s'appelle, donc Subban. Ouais, On avait gardé Patio à la place, selon les rumeurs. Il trouvait qu'il se forçait pas le cul. Il a mis sa quatrième, puis je pense qu'il ne faisait même pas jouer, ou à peu près pas. Là. Il jouait à peine, peut-être même pas 5 minutes par game. Voilà, ça prouve un peu ce qu'on dit. Là. C'est l'attitude Patio, en fait, qui m'arrive. Ben, c'est ça, tu sais, le gars, il fait juste patiner non-sud, tu sais, en avant-arrière. Ouais. Ben, non-sud, là. C'est... Il est prévisible au bout. C'est pas un gars qui va faire des petits jeux fancy pour essayer de créer des choses. Il fait tout le temps la même calisse d'affaires. Puis d'après moi, là, juste pour parler un peu de Patio, là, quand il joue avec Dano, là, je pense que la seule raison pourquoi que ça fit avec Dano, c'est parce que Dano, il se force tellement le cul pour essayer d'y remettre la rondelle que ça fit bien. Tandis que Drouin, quand il jouait avec, on dirait que ça l'affectait parce qu'il essaie de feeder son capitaine juste pour pouvoir faire partie de l'équipe. Je comprends ce que ça veut dire. Fait que Pacho, il nuit en plus à ses coéquipiers. Non seulement ça, hier, il a scoré. Ben, imagine-toi donc, JF, là, que quand Pacho score cette saison, on a 6 victoires, aucune défaite. T'as quasiment le goût de dire que c'est de sa faute, tabarnak. Quasiment. Je sais pas si c'est ça qu'on va dire, mais je pense que t'as un call-out, toi, pour terminer le show. C'est peut-être ça que tu vas dire ou pas. Je voulais juste qu'on parle de quelque chose avant, parce que je vais faire une parenthèse avec une petite histoire qui est sortie par rapport au sénateur d'Ottawa. Mm-hmm. Les notes sont sur ta feuille. Je l'avais sauté. Pour vrai? Volontairement, mais vas-y. OK. T'as le plancher. Eugene Melnyk. Ouais. Le DG des Sens. Il a ordonné Pierre Dorion, qui est le DG des Sénateurs d'Ottawa, d'aller chercher Matt Duchesne. Tu vas faire ce que ça prend pour aller le chercher. OK. C'est ce qui a été sorti comme nouvelle avec nos insiders, Darren Dreger. Darren Dreger. Donc, résultat, tu avais Carl Torres qui était leur premier joueur de centre. Puis lui, il devenait joueur autonome. Puis le propriétaire ne voulait pas leur signer. Fac, il a ordonné son DG de faire un move. Puis depuis qu'on fait ce move-là, les sénateurs sont à chier. Ils ont 4-5 victoires, je pense, depuis l'échange de Matt Duchesne. Matt Duchesne a un but, deux passes, ou je pense qu'il n'a même pas de but encore. Ouais, là. Il fait pas rien de spécial. C'est terrible. Tandis que les Carl Torres à Nashville a signé un contrat à long terme de 6 ans. En plus, il produit à un bon rythme, puis les Prédateurs continuent de gagner, puis avec l'Avalanche, ils ont eu une pelletée de choix repêchage puis de prospects. Fait que le point où ce que je voulais emmener, JF, là, je veux parler de Jeff Molson un petit peu. Encore? Eh oui. Puis pour parler de Jeff, je pense que lui prend beaucoup plus de décisions qu'on le pense avec le Canadien de Montréal. T'sais, il a engagé Bergevin. Mais dans le fond, là, l'affaire que je trouve bizarre, c'est qu'en 2012, là, on avait un choix à faire. On n'a pas fait les séries, on a eu Galchenyuk, on l'a repêché. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Ça aurait été l'idéal de reconstruire, non, en 2012? Bon, on était en voie de reconstruction. On avait Subban, on avait Price. On avait Taberley, tout. C'était dégueulasse, là. Non, oui, mais on avait des bons jeunes qu'on s'est tous débarrassés, par exemple, par la suite aussi. Là. On avait un bon noyau qui s'en venait de nouveau. On aurait pu bâtir autour de ça. T'aurais pu bâtir autour de Subban, autour de Price, puis tu sais, laisse-leur faire leur crise de triple low five s'ils veulent donner ce show-là, puis se faire mettre les gars mouillés dans la face pendant l'après-game. Là. C'est ça, mais je pense que Monson, lui, dans le fond, il a demandé à Bergevin, pas de reconstruction, bâtis-moi un club gagnant. Il faut gagner tout de suite, puis on va surfer là-dessus pendant des années. Tu sais, Bergevin, il a un boss. Je pense pas que Bergevin, tout ce qu'il fait, ça vient de lui. Je pense que Molson lui demande de faire des affaires puis que Bergevin fait son possible pour répondre à ce que son patron lui demande. Ça se peut, mais en bout de ligne, c'est quand même pas lui qui aurait demandé genre, d'échanger Subban ou de faire... C'est là qui est mon point très important. Je pense pas que Molson connaît assez le hockey pour demander des trades précis. Lui, mais c'est là que je veux changer les affaires parce que des fois, Molson... j'ai posé des questions, j'ai fait une enquête. À qui t'as parlé? À Jeff direct? Non, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont déjà côtoyé les Molson. Que ce soit du monde qui ont travaillé pour l'usine et non le Canadien de Montréal, puis que du monde qui était proche du Canadien à l'époque que c'était le père qui gérait ça. Je vois quel genre de monde qui sont les Molson. Molson, c'est un monsieur qui se fout carrément de son staff. Oui, mais on le sait, ça, déjà. J'ai quelqu'un qu'on a côtoyé qui était un placier au Centre Bell, puis il a été placier au Forum de Montréal aussi. Fait qu'il a connu le père un peu, puis il a connu tous les propriétaires. Puis là, il a décidé de prendre sa retraite en tant que placier. Puis lui, tu sais, quand tu prends ta retraite, il s'entendait, tu sais, on va te faire quelque chose, ils ont donné un cadeau. Une montre. Ils ont donné une montre que tu peux acheter au catalogue avant. Le gars était tellement insulté qu'il a pris la montre puis qu'il l'a collissé aux poubelles. Puis quand il le disait, il était sincère, mais tu voyais que ça faisait une crotte sous le cœur. Il s'attendait à genre à avoir un chandail, une photo avec les gars, un souper ou quelque chose du genre. Une fucking montre esti remis dans un sac Ziploc. Pas de facture. Puis Molson, tu sais, quand il y a eu l'incident Subban, Molson savait que Subban ferait un don aux jeunes enfants pour l'hôpital. Il était au courant de ça. Il était mis au courant. Ouais, puis il voulait faire son propre branding. Puis avec les infos que j'ai eues, c'est que Molson aurait approché Subban pour lui dire, écoute, pourquoi tu ne prends pas ton argent puis tu n'investis pas dans la Fondation des enfants pour le Canadien de Montréal? On va faire une belle conférence de presse, un beau show pour les médias, justement, ça va être grandiose, puis on va travailler ensemble pour ça. Il a offert le choix à Subban de le faire. Subban a préféré donner l'argent à l'hôpital pour enfants, qui est selon moi une très bonne décision. Là. Et puis. Mais il l'avait dans son nom et non au nom du Canadien. Là. C'est... À cause de ça, justement, selon les informations que j'ai eues. Ça ferait du sens. C'est pas un hasard que Subban n'a pas mentionné le Canadien de Montréal, mais qu'il parlait de lui-même. Puis il parlait de Béliveau en tant qu'inspiration parce que Jean Béliveau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des premiers dans l'organisation du Canadien de Montréal qui a fait une fondation de genre pour les enfants. Puis même, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu sais, quand ils vont voir les enfants à l'hôpital, ça vient, c'est Béliveau qui a commencé tout seul au début. Ah, c'est possible ça. Puis après ça, mais ils ont commencé à devenir une tradition. Fait que Molson, ça l'a mis en crise, puis il aurait ordonné à Bergevin, t'as un an pour échanger Piqué Subban. Ouais, je suis pas sûr. Sérieusement, j'y crois pas à 100%. Mais ça se peut. Ben, voici où ce que moi j'ai commencé à mettre les morceaux de casse-tête en place, puis je vais y aller rapidement. Tu sais, l'année qu'on devait signer mon Subban, puis que t'allais en arbitrage, ça fait de la merde. Ouais. Beaucoup de monde a dit c'est parce que c'est Molson qui a dit à Bergevin, arrête de niaiser. Là, tu signes-les. Ouais. C'est le contraire, d'après moi, qui est arrivé. Molson, il ne voulait pas le payer. Puis il a dit là, tu vas aller en arbitrage, puis tu vas essayer de m'amener ça le plus loin possible pour qu'on puisse lui donner le moins d'argent possible. Parce que c'est pas normal, ou il n'y avait pas le souhait que Subban soit le joueur le mieux payé de l'histoire du Canadien de Montréal. Pour lui, il ne trouvait pas ça normal. Puis à la dernière minute, Molson a dit « Ok, fine, vas-y ». Tu sais, Subban est échangé, puis beaucoup de monde ont dit « Ah, c'est à cause de Pacheco, c'est à cause de Terrien ». Si ça serait à cause de Terrien, là, penses-tu vraiment que Bergevin aurait collé dehors son coach 6 mois après avoir changé un des joueurs les plus importants? Non, mais ça se peut que ce soit à cause de la marde de la fondation et tout, puis c'est carrément stupide, mais qu'est-ce que tu veux? Là? C'est pour ça que moi, je pense pas que Terrien, on aurait collé dehors le coach, surtout que apparemment c'est le coach qui était plus capable de le sentir, 6 mois après avoir changé ton joueur le plus important, un des joueurs les plus importants du club. Fait que c'est pour ça que Jeff Molson, il dit des affaires, puis ce que j'ai peur, c'est que Jeff va dire à Marc, tente l'impossible pour améliorer le club pour qu'on puisse faire les séries parce que j'aimerais ça faire mon petit bonus à la fin de la saison pour avoir des billets. En ce moment, c'est impossible. Je peux pas croire qu'il ferait ça parce qu'on est tellement loin de pouvoir penser faire les séries que ce serait la pire décision d'affaires que Molson pourrait faire en ce moment. C'est ce qui me fait peur présentement, Jeff. Mais ce qu'on va voir, c'est ce qui va se passer avec le reste de la saison puis le repêchage. On va voir si vraiment Molson a une main mise sur Bergevin ou pas. Là. Ben, d'après, il ne mettra pas dehors parce que j'ai comme l'impression, la rumeur, c'est que Bergevin, il est payé 5 millions par année pour faire ce qu'il fait présentement, puis il est encore là jusqu'en 2022. Bergevin, il est payé 5 millions pour recevoir la marre des journalistes pour les décisions de Molson, dans le fond. Là. C'est ça, fait que s'il veut le mettre dehors, Molson, il faut qu'il le paye. Puis en plus de ça, ça n'aurait aucun sens parce que tu vas-tu racheter son contrat, tu vas-tu le payer jusqu'en 2022? 5 millions par année, là, c'est 4 ans encore. Il faut que tu lui donnes 20 millions, tu sais. Oh, c'est tellement trop anyway. Puis Bergevin, lui, s'il va, mettons, pour un autre club après, comme scout ou peu importe, ben là, le contrat est résilié. Parce que Bergevin, genre, il aurait la chance d'être en vacances puis être payé 5 millions par année pareil jusqu'en 2022. Penses-tu qu'il va aller voir un autre club? Il dit, regarde, je vais attendre 4 ans puis je vais venir te voir après pour avoir mon salaire. Ah, ben on verra bien qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là, ça va être intéressant à suivre. Et puis c'est là, JF, que je veux faire un call-out, mon ami. On y va! Ça va être un call-out, je te dirais, sur une perception de choses et non une personne que je vais viser. On veut du changement à Montréal. Là, je call out, je te dirais, l'organisation au complet. Le Canadien, tout au complet, au complet! Au complet, depuis les 40 dernières années ou 20 dernières années ou 25 ans dernières années. Puis en même temps, je vais, non seulement je vais call out le Canadien Montréal, mais je vais aussi call out le peuple et les médias sur ceux qui pensent une affaire en particulier. La langue française. La style langue française, tabarnak. Vous trouvez que c'est du pareil au même à Montréal? Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est du pareil au même, selon mon point de vue. Le problème... Le petit Drouin, là. Ça, c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Ça, c'est un point important, ce que Mario Tremblay a dit. À Montréal, là, ça prend tout le temps un petit directeur général français, qui parle français. Je sais pas si vous le savez, là, mais les francophones, à travers le monde, là, c'est une minorité. Une petite mince pourcentage de gens de tête de hockey qui sont bons, qui parlent français. Fait que là, ça prend ça à Montréal. Ben, tant et aussi longtemps qu'on ne pongera pas la meilleure tête de hockey disponible à travers le monde, le Canadien ne pourra pas avancer. On va en pogner un qui n'est pas pire, mais ça ne veut pas dire que ça va être le meilleur. Fait qu'on va devoir faire avec ce qu'il y a. On prend le moins pire de la gang. Pourquoi pensez-vous aussi qu'au niveau des entraîneurs, on réengage les mêmes qu'on a collissés dehors le 10 ans dans nos pires moments dans l'histoire du Canadien de Montréal pendant qu'on n'a pas fait les séries pendant 4-5 ans? Là, le prochain qui va revenir, je pense, ça va être Alain Vigneault. C'est parce que ça prend un fucking coach francophone, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Ça fait des manifestations à Montréal parce qu'un magasin Adidas a juste dit un hostie mot en français pendant sa conférence de presse. Lâchez-moi la calisse de langue, on est en 2018. Je suis certain que tout le monde, ou presque de mon âge, de l'âge à JF, d'une génération qu'on est conscient des choses internationales, on s'en calisse de la langue, esti. Canadien de Montréal, la prochaine fois que vous collissez du monde dehors, allez donc chercher le meilleur, esti. Allez pas prendre un gars qui n'a aucune expérience. C'est tout le temps ça à Montréal. Faut toujours chercher un gars qui n'a pas d'expérience. Puis après ça, le propriétaire qui pense connaître son hockey, mais dans le fond, il est plus habitué de se collisser les deux doigts dans le nez que « Ah, ben ça prend un club gagnant. Ah ouais, échange-moi des choix repêchage. Échange-moi des prospects, esti. Il y a un gars qui est plus gros que moi. » Fuck him, esti, échange-moi ça. Va me chercher un autre joueur qui a du bon leadership. Aux dernières nouvelles, le leadership n'équivaut pas au talent hockey. J'ai rien contre Shea Weber, je vous le cacherai pas. Mais l'important, c'est que sacrement, esti, bâtissez donc un club de hockey avec les mœurs d'aujourd'hui, le patinage, esti, la vitesse, calice. Lâchez-moi la petite langue française, calice. C'est plus important. Les journalistes qui ne savent pas parler anglais, allez donc chier, calice. Vous êtes allé à l'université, vous êtes allé au primaire, puis au cégep, puis au secondaire. Vous n'avez eu des cours en français. Je sais que Pauline n'en voulait pas, mais tabarnak, au moins avoir un cours d'anglais par semaine, surtout si vous êtes journaliste. Moi, si je serais vous autres, là, j'espère que vous allez été faire des séminaires au Vermont, esti, parce que c'est important de parler anglais aujourd'hui. C'est un peuple international. Regardez tous les autres clubs. Ils engagent les meilleurs. Gérald Galland, on l'avait dans notre cours. Mais non, on ne peut pas l'avoir à Montréal en tant qu'entraîneur. Pas français. Sacrement, Vegas s'est rendu les meilleurs clubs de la Ligue nationale cette année avec des gars qui portent des bottes d'acier, esti, puis qui mangent des steaks faits au micro-ondes. C'est tout... ça prend pas tête à Papineau pour voir ça! Fait que la langue française... Calissez-moi ça aux poubelles. J'ai rien comme ma langue française. Je parle français, j'apprécie le français. Mais je suis capable de lire un sous-titre. Puis encore là, j'ai pas besoin de lire. Je comprends l'anglais. Ah, cette gang de journalistes d'attarder du calice. On n'est plus en 1966, là. On est en 2018. Vous êtes capable de le traduire. Si t'es pas capable, engagez un jeune, esti, qui est capable de parler anglais. Croyez-moi, esti, il va faire votre job pour vous autres. On va faire un ménage dans les médias, sacrément. Les gars qui sont arrivés et qui ont des cheveux blancs, allez travailler au Tim Hortons, esti. On va prendre des gars qui travaillent dans les pupitres et des femmes, esti, qui connaissent leur job. Alors, c'est ça, mon call-out. Le concept de la langue française. 15e Montréal. Non, écoute, je vais dire... C'est ça que ça donne, Chris. C'est ça qui le pille. Ça parle non, même pas. Écoute, je vais dire... Allez me chercher... d'une chose qu'on de la lue. Quand ça va arriver, croyez-moi, le 15e Montréal va redevenir l'équipe des Glorieux. Mais c'était pas de la bullshit en plus, le truc de la langue française pour le coach puis le DG. Ah, aujourd'hui, ça sert à rien. Faut qu'il parle aux médias. T'arrives à tout le monde en parle, là. Ils sont capables de faire des entrevues que Guilla, il parle en français québécois puis le gars, c'est un Américain anglophone et qui a un écouteur dans une oreille qui se fait traduire de quoi puis qui répond en anglais. En plus. Arrêtez là, avec ça. C'est, sérieusement, si le meilleur disponible, c'est un anglophone, pognez l'anglophone, on s'en sac. À la limite, on veut un club qui gagne, pas un club francophone. Là. Ouais, parce que c'est ça, parce qu'on serait jamais capable d'avoir les mais meilleurs. Mets-y une petite oreillette, puis fais une traduction simultanée pour les questions qui vont être au coach, puis les journalistes, ils feront leur traduction de réponse dans leur petit papier. Là. Non, c'est vrai, il n'y a plus de presse papier maintenant, c'est toutes des tablettes. Sauf le Journal de Montréal. eux autres, là. Mais t'apprends ça sur ton ordinateur. Mets ça dans Google Translate, à la limite. Là. Ouais, Google Translate, ça a de l'allure aujourd'hui. Là. C'est quand même correct, là. Puis si pour le Canadien, ça coûte trop cher, les oreillettes, est-ce que augmenté les prix des billets? Vous allez la payer tout seul. Tu lui dis, OK, Google, traduis-moi ça. Puis Google, traduis ton affaire. J'espère que je ne partirai pas mon OK Google en disant ça, là. Mais OK. Mais non, c'est de la merde. Je peux pas croire que c'est encore ça le point, pensons à le autre point chose. Dominant pour le Canadien, c'est ouais. Le français. Mais bon, voilà. Bon, ben, Jeff, ça fait le tour du podcast. Ouais. Donc, on va se revoir dans deux semaines avec probablement le reste de l'équipe qui devrait être là si les conditions météo le permettent cette fois-là. Pas envie que tout le monde se tue sur la route. Là, les gars restent loin. Dave, Mart sont à Saint-Jean avec les routes. Saint-Jean-Marieville, il y avait la 10, c'était fermé. Alex, il est à Belle-Oeil, je pense, à cette heure. Fait que c'est un bout de Belle-Oeil aussi. Là, c'est, Alex est rentré à Belle-Oeil. C'est-tu là qui est Belle-Oeil? C'était avant, c'était Laval, puis après ça, il a déménagé. Il est pas dans le nord, Alex? Ben, c'est pas mal dans le nord, ça, non? Non, je me mélange Boisbriand. Non, je me mélange mes villes, mais whatever, là. Alex est dans le nord, plus loin, là, passé Laval. C'est là. Ça, là-bas. Non, il est à Mirabel, excuse-moi, Belle-Oeil, Mirabel. Je me suis mélangé. Il est proche de Hotlet. Belle-Oeil, c'est comme à l'autre côté, au plus. Ouais, au... c'est là qu'il y a les moteurs, là. Ouais, c'est ça, on dirait pas trop fort, là, mais ouais, il est dans Hotlet, à Mirabel, là. Puis on le répétera jamais assez, mon frère est pris dans un bain de neige en rien de boire, probablement du whisky. Ah, c'est sûr. Fait qu'on se revoit vendredi en deux semaines. Entre temps, ben, on regarde le Canadien et on espère que le Canadien continue à perdre pour avoir le meilleur choix au repêchage. Avoir les chances à notre bord. Fait qu'on se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.